J'ai un cadeau pour toi, Mick. Oh, est-ce que tu veux l'ouvrir en direct? Je vois que c'est très bien emballé, Flipette. Oui. Je te remercie. Du coup, je dois respecter la tradition, puisqu'on est le 25 novembre et dans un mois, c'est Noël. Voilà. Quel bâtard. Oh yes. Enfin, Gazou, il achète ça comme si c'était... On va faire ça du coup. Non, non, je voulais envoyer un truc, mais je l'ai pas. Tu peux enlever ton masque, Tim. Ah, c'est vrai, merci. Parce que c'est vrai que c'est, ouais, c'est étouffant. Le pisser. Vas-y Loïc, ouais, il fait des cœurs. Wow. Alors pour ceux qui se demandaient si Loïc ne pouvait pas être encore plus insupportable avec sa gentillesse, son positivisme et tout, maintenant il lâche des cœurs. Non mais vous voyez là ce mème de Bob l'éponge où il vomit un arc-en-ciel. C'est Loïc. Voilà. C'est Loïc. Voilà. Je vous remercie, Captain Krabs. Je te coupe, hein. Tout le monde te coupe ce soir de toute façon, pour dire que la pluie arrive. Alors, je me suis préparé vu que la pluie arrive. Oh putain. J'en profite pour préciser à ce stade-ci, à propos du calendrier 2022, que Miami, mon cher Mick, a bien signé pour 10 ans. Je confirme. Donc et maintenant, les contrats minimum, c'est plus un an, mais 10, quoi, du coup. Et il rajoute un zéro après. C'est ça. Pour moi, c'est presque une mode, en fait, ce qu'on voit avec le Qatar. Je sais pas ce que... Par contre, j'ai pas en tête ce que l'Arabie Saoudite a fait en termes de contrat, mais on doit pas être très loin. Putain de... Ah non, il est... Je pense que c'était trop. Mick n'a pas payé sa facture EDF. Et une Rolls-Royce pour la totalité du séjour, ainsi que des services de spa et un service VIP personnel pour coordonner ses expériences dans tous les complexes César Entertainment. Il pourra également assister à un concert à guichet fermé d'Adèle. Voilà. À 5 millions de dollars, tu peux t'acheter 2 Rolls-Royce. Et tu vas toi-même en Rolls-Royce. Et encore, je suis sûr que tu peux acheter 2 Rolls-Royce. La magie est cassée. Il a dit qu'il n'en peut plus. Voilà, maintenant il a fait sa blague. Maintenant faut tout rallumer. Là c'est mon moment. Et le problème c'est que c'est ceux qui sont pas contents qui gueulent le plus. Et en fait, on écoute ceux-là en premier. Mais il faudra peut-être d'abord. Et on gueule beaucoup ici. Hein. On a tout perdu. Voilà. Donc là, à savoir le temps passé pour faire ce générique spécial de ce soir aurait pu être utilisé pour tout refaire depuis le début. Faut le savoir. Comme j'ai vu passer dans le chat, oui, j'ai fait cette chaîne uniquement pour faire des génériques. Je tiens à le préciser. Cette émission contient des jeux de mots exaspérants, des digressions permanentes sur des sujets sans rapport avec la Formule 1 et ne peut pas convenir à un public sain d'esprit. C'est quand qu'on arrive... On est quand même dans Zolotis, là. Non, alors on va pas aller là. Alors, attends. C'est quand qu'on arrive... À la sortie d'un lotissement, peut-être. Et là, on est arrivé. Oui. Pour quand on continue de rouler, si on est arrivé? Informations, breaking news, que cruauté, il existe une solution, des passionnés sans ambition, s'amuser, blabla, défunt, point de vulgarisation, monter vite dans leur train, festivité de valeur, trop d'aigreur dans le paddock, intensément travailleurs, c'était mieux à leur époque, amusante sur leur bêtise, pompère allume ton micro, monétairement on se cotise, pour avoir l'air plus idiot, gratifiante sur leur soirée, leurs infos ont toutes les sources, d'ailleurs c'est scène de journée, et bon ben il y a la course, vivant du dimanche matin, ce sont les meilleurs amis, ils sont pas toujours à l'heure, venez parler Formula ou FIAG, Alphiva. Night Fever aux festivités, intensément amusante et monétairement gratifiante. Ça faisait un petit moment. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce beau samedi soir du 31 août, en ce beau samedi où nous avons vécu de belles choses. Nous avons une finale en Formule 3, nous avons également des disputes dans la régie des catégories inférieures chez la FIA pour savoir quel camp sera donné le classement avec les pénalités qui arrivent des heures et des heures après. Et naturellement, il y a de la Formule 1 aussi avec... voilà, une potentielle lutte constructeur et pilote, peut-être bien. Nous sommes réunis en cette émission spéciale où nous célébrons la 69e émission. C'est pas rien comme chiffre. Donc, à fond. Nous sommes heureux de... Attends. Non, Loïc, ça n'a pas marché cette fois. Malheureusement, semble-t-il, pour... je sais pas, ça, c'est pas parti sur Twitch et c'est trop tard. Bon, bah, on sera que sur YouTube, ça maximisera les revenus. Je sais même pas comment que ça marche. En tout cas, pour fêter cela, nous avons un très très vieux revenant parmi nous, quelqu'un qu'on a dû dépoussiérer. Il était au placard avec quelques membres du staff d'Alpine. Donc bonsoir Tim, bon retour. Comment allez-vous, Monsieur Mula? Ça va très bien, très très bien. Merci. Une pause bien méritée qui va se prolonger. Je suis navré de l'annoncer déjà, mais j'étais obligé de sortir de ma pause pour cette émission fantastique qui est la 69e avec un invité de marque que tu présenteras en suivant et d'autres invités un peu moins prestigieux mais qui sont là parce que c'est quand même cool d'être plusieurs. Donc j'allais dire vas-y commence mollo avec le cirage mais bon en fait non. Il y en a qu'un qui bosse chez Canal que je peux essayer de il y en a qu'un à cirer en fait c'est ça le délire. Je rappelle que ça fait 5 mois que je suis au chômage hein, donc wow. Déjà Non, pas 5, ça fait... Il exagère. 3. Voilà. En attendant, peut-être que le cirage n'était pas suffisant pour trouver un emploi à plein temps chez France Racing. Peut-être qu'on aura des exclus avec Monsieur Paddock Inside. Bonsoir, Monsieur Gazou. Comment qu'il va ? Bonsoir à tous. Ben, ravi d'être là. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'étais plus venu, donc ça fait toujours plaisir. Bonsoir, le chat. Et entre les 53 bouquins qui sortent par an, Monsieur Loïc Chevenas, j'ai essayé d'inverser, j'y suis pas arrivé. Loïc Chevenas, Paul, nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Bonsoir mon Lolo, comment ça va ? Bonsoir Mick, bonsoir à tous et bonsoir à tous dans le chat. Bah, ça va plutôt bien, c'est les vacances pour moi depuis hier soir en fait, donc je kiffe un petit peu ma vie quoi, parce que en fait quand tout le monde reprend, moi je pars en vacances, donc voilà, c'est pas mal d'être en décalé un petit peu. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis nous avons tout un arc narratif qui se conclut ou qui continue de se lancer ce soir puisqu'on accueille journaliste sportif, commentateur de F1, F2, F3, de W Series, de camion, de master de pétanque, d'escalade et également dans le futur commentateur des FIMG Night Fever en live pendant les émissions puisque on va prévoir d'avoir comme Liberty Media, on va essayer de vendre les droits pour que des gens puissent diffuser nos émissions également, donc il y aura peut-être besoin de commentateurs. Bonsoir Anthony Drevet, comment est-ce que tu vas en ce week-end très très chargé pour apparemment pour toi ? Comme tous les week-ends, bonsoir Mick, bonsoir tout le monde, je suis tellement content d'y arriver, enfin ! Ça fait quoi, un an, je pense qu'on se le dit, qu'on va trouver un samedi, et ça y est, il est arrivé ce samedi 31 août. Ouais, c'est... C'est à peu près la même période puisque ça avait vraiment été lancé au Grand Prix de Hongrie l'an dernier, donc c'était fin juillet. Avec alors l'arc du Chevalier 1-1 avait déjà démarré tout ça, mais on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Déjà, depuis la dernière fois qu'on a pu tenir une émission à peu près normale ici, c'est-à-dire il y a 15 ans, il s'est passé des choses. On devait être à peu près aux alentours, c'était peu après Miami, si ma mémoire est bonne. On en était à un stade où, ouah, c'est incroyable, Verstappen a été battu deux fois cette année. Bon, il y a une fois où il y a eu une safety car et l'autre, il a abandonné, mais quand même, c'est plus que l'an dernier. Bon, Anthony, comment ça se passe pour toi cette saison en Formule 1 aussi chiante que prévu initialement ou tu t'habitues aux heures de domination? Écoute, on a tendance à s'y habituer quand même. Moi, je pense que c'est normal, en fait, qu'il y ait des équipes qui dominent. Maintenant, c'était un peu pénible quand même en ce début de saison. Et là, on a une saison de Formule 1 qui est quand même relativement disputée, même si on l'a évoqué avant cette émission. Je pense quand même que McLaren est sur la bonne dynamique pour justement emboîter le pas de Red Bull. Donc, on va voir. Hein, mais non, j'aime pas quand c'est une domination. Mais je crois que malheureusement, c'est dans l'air du temps et bah, les dominations s'enchaînent en fait. Et puis, c'est surtout que on parle de domination, mais quand on regarde bien les résultats vraiment de la qualification, tout ça, alors ça faisait vraiment McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Il y avait une hiérarchie qui semblait se dessiner, mais les écarts étaient quand même suffisamment proches pour que si Piastri ou Norris mettaient deux roues un peu trop larges, perdaient deux dixièmes, on passait de premier à 4-5e. Donc on est aussi, il y a un léger avantage, mais les écarts sont quand même extrêmement compacts, ce qui fait que bah, devant, McLaren n'a quand même pas le droit à l'erreur, et c'est peut-être ce qui leur a coûté justement des points un peu plus tôt cette saison, où on n'était pas encore dans cette dynamique d'excellence peut-être qu'on a trouvé en Hongrie. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec attention, mais là c'est une grosse interrogation qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe chez Red Bull. Je vais lancer la baballe à Gazou, puisqu'il semble savoir plein de choses. Non, je rigole, c'est que t'as lancé le sujet avant l'émission, à se dire, mais ça y est, ils sont finito, Red Bull, ils n'ont plus rien à développer. C'est finito, c'est vrai ? Non, rien n'est jamais fini en Formule 1. D'ailleurs, si on peut apprécier, entre guillemets, le spectacle et le retour de McLaren, c'est essentiellement dû au nouveau règlement des budgets capés. Parce que depuis son introduction, certes, on a vu une première année zéro où plusieurs équipes tâtonnaient. On a vu que Mercedes n'y arrivait pas. Ferrari s'est un peu fourvoyé entre le développement de la voiture et l'équipe managériale, ça c'est encore notre débat. Finalement, Red Bull a tiré son épingle du jeu, a réussi à développer, extrapoler le concept jusqu'au bout, et on a vu une saison 2023 absolument de domination parce que ben, la concurrence n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Et là, désormais, 2024, on est arrivé à une maturité du règlement. Alors, il va vraiment falloir, j'allais dire, s'y habituer ou rapidement déjà se conforter avec l'idée que déjà 2026, on aura un nouveau règlement. Donc, ça sera déjà terminé cette ère des monoplaces-là. Mais oui, McLaren a rattrapé son retard. Red Bull patauge un petit peu dans les évolutions. Tout fait qu'on est à nouveau dans une dynamique où la domination de Verstappen n'est plus ce qu'elle était l'an dernier. Il y a clairement une deuxième force qui émerge, c'est McLaren. Parfois, on a aussi Mercedes dans le rétroviseur. Mais là, ce qui est assez étonnant, et puis on va rapidement rebondir peut-être avec les résultats de la qualif d'aujourd'hui, mais si aujourd'hui, par exemple, on se dit « Tiens, McLaren, elle est mieux positionnée pour aller battre Red Bull », oui, effectivement, on peut le dire, mais Norris n'a signé que sa deuxième victoire aux Pays-Bas. Donc, si on rapporte face au palmarès de Verstappen, je ne sais plus combien il a de victoires. 37 cette année. Voilà. Donc, c'est vrai que si on fait un peu le rapport de force, ça paraît dérisoire. Oui, Norris n'a que deux victoires. Norris a tendance un petit peu à prendre des mauvais départs, mais grâce au rythme de la McLaren, il a beau être 2, 3, 4e après 3 tours. Sur les longs relais, la McLaren fait la différence et il arrive à récupérer la tête. C'est ce qu'on a vu à Zandvoort. Donc, il y a plein de paramètres comme ça qui vont faire que sur certains circuits, bon, la McLaren semble à peu près à l'aise sur tous les types de circuits, mais il va y avoir encore des circonstances de course, il va y avoir peut-être des circuits et des tracés sur lesquels les Red Bull vont être un petit peu meilleurs. Pourquoi pas les Mercedes pour aller également shipper des points à Norris, ce qui arrangera bien Verstappen. Et puis aussi, il y a quelque chose que McLaren n'a toujours pas décidé, c'est le rôle de numéro 1 et numéro 2. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore donné la priorité absolue à Norris, ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Sérieusement ? Eh bien, pour l'instant, Piastri a dit qu'il pourrait se mettre au service de l'équipe le moment venu ou quand l'équipe l'aura décidé, que pour l'instant, ils sont libres tous les deux de se battre pour les victoires si les circonstances leur sont favorables. Mais c'est une grave erreur de McLaren, parce que je ne sais pas s'ils se rappellent de la saison 2007. Effectivement. Alors, tu sous-entends que Piastri va être champion du monde ? Il en est encore un petit peu loin, mais bon, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, il faut pas se mentir, et il faut pas mentir non plus aux spectateurs quand on veut aller chercher un titre de champion du monde, qu'il soit constructeur ou pilote. Il y a une hiérarchie établie dans l'équipe. Il y a un pilote numéro 1, il y a un pilote numéro 2. Ça a toujours été comme ça. Il faut un pilote numéro 2 extrêmement fort pour aller justement priver les adversaires de gros points pour que son leader d'équipe puisse être titré en toute sérénité, entre guillemets. Mais par exemple, bon, regardez, aujourd'hui, Pérez, on sait qu'on ne peut presque plus compter sur lui, alors qu'il a été une espèce de défense absolument incroyable à Abu Dhabi 2021, sans quoi Verstappen ne pouvait peut-être même plus espérer grand-chose. On ne rentre plus dans le débat d'Abu Dhabi 2021 sur autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, regardez l'ère de domination, et c'est ça qui me tue chez Red Bull, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à faire la comparaison, et ça me semble tellement évident. Regardez les quatre titres de Vettel. Qui il a, Vettel, à côté de lui ? Il a Mark Webber, peut-être le pilote numéro 2, le meilleur de ces 20 dernières années, avec peut-être Barrichello bien installé chez Ferrari également, mais Webber... De tous les temps. Webber mettait au point les bagnoles, Webber allait chercher les victoires, les podiums, les points, et la comparaison est si simple. Oui, alors, quand il y avait des pannes mécaniques, c'était déjà beaucoup plus compliqué, mais il faut surtout faire la comparaison entre Webber et Massa, qui était le numéro 2 chez Ferrari. Vous faites le palmarès sur 2010-2013, vous faites le palmarès de Webber et de Massa, il y a un gouffre. Et Alonso perd certainement deux titres parce qu'il y a Massa dans la voiture. Lolo, là, je suis presque d'accord avec Gazou. Un détail près, c'est que Webber, il n'allait pas chercher les victoires pour l'équipe, c'est qu'en fait il allait chercher les victoires d'abord pour lui, en fait, parce que le jeu d'équipe Webber, il s'en foutait un petit peu. Et j'ai souvenir du Brésil 2012 où au départ, si Vettel se retrouve en mauvaise posture au départ et qu'il est accroché par Bruno Senna, c'est parce que Webber le tasse allègrement contre le mur au départ. Parce qu'il est impassif aussi. Aussi. Mais c'est le tout petit bémol que je mettrais. Mais c'est vrai que oui, après, quand Gazou compare aussi à Massa à Webber, c'est vrai que Massa, quand Alonso devait se battre pour le titre, Massa, c'est un peu le Pérez d'aujourd'hui, en fait. Il lui servait pas grand-chose. Il a des excuses. Après, la Ferrari était quand même aussi... Voilà, elle était quand même bien en dessous. Voilà. Il y avait aussi des circonstances. Et lui aussi. Il y avait aussi le fait que Ferrari, ils étaient quand même assez... c'est en mode on exploite le règlement jusqu'au bout. Ah bah tiens, si on peut pénaliser Massa sur la grille pour faire gagner une place à Alonso, on le fait. Il y avait ça aussi. Ouais. Pardon, non, mais Ferrari voulait pas signer Kubica ? Oui, il y avait ça aussi. Ouais, il voulait signer tout le monde aussi à cette époque. Il voulait signer tout le monde. Apparemment, même Maldonado avait un prêt contre. Non, il y avait Hülkenberg, je crois, et Kubica avait signé avant de se blesser. Je crois que Button est croisé, tu connais. Mmh. Oui, ouais, parce qu'ils avaient aussi voulu prendre Webber, je crois, en 2011, quelque chose comme ça. Mais ils le voulaient que pour une saison, parce que justement, en 2012, le but était de faire venir Kubica ou quelque chose comme ça. Et Webber n'a pas voulu partir pour juste une saison. Donc, il y avait quelque chose comme ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut faire les parallèles avec cette époque, mais quand même, si on regarde... je trouve que l'ère de 2010 à mi-2013, parce que fin 2013, c'est domination Red Bull, ressemble beaucoup plus à ce qu'on a en ce moment en F1, c'est-à-dire on a 3-4 constructeurs qui peuvent jouer la victoire si les autres se plantent, s'ils trouvent un petit truc en plus que les autres dans les réglages, tout ça. Ce qui n'était pas vraiment le cas quand même sur le début de saison et tout, et que justement, c'est dans ces moments-là que d'avoir un numéro... entre guillemets, deux, comme un Mark Webber ou même comme Bottas a pu l'être il y a quelques années, et ben dans ces moments-là, aller grappiller des petits points face à la concurrence, et ben ça compte énormément. Là où Perez qui finit septième à deux tours de Verstappen, ça apporte rien à l'équipe, quoi. Je voulais juste rester un petit peu sur Red Bull parce que il y a des mots qui sont sortis cette semaine. J'ai jamais réussi à les sourcer ni quoi que ce soit, mais je les ai trouvés très rigolos. Alors, ça vient d'Internet, donc c'est forcément vrai. Je ne vais pas réellement citer le journaliste parce qu'il a supprimé son tweet pour une raison que j'ignore. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il parlait du fait que, selon ses sources, chez Red Bull, il y avait une ambiance qui était plus mal que jamais suite à l'intersaison. Apparemment, semblerait-il qu'on avait promis à Ricardo, justement, le baquet de Pérez sur la fin de saison, ce qui aurait causé quelques tensions vis-à-vis de Ricardo et d'Helmut Marko et Christian Horner, que Verstappen serait profondément mécontent d'avoir Pérez qui sert à rien dans la voiture d'à côté et l'aurait fait entendre, encourageant indirectement peut-être un retour de Ricardo, mais ça c'est ce dont j'essaye de me rappeler, qu'il y a une lutte également chez RB parce que on a envie et besoin de promouvoir Liam Lawson, dont l'échéance de son contrat est mi-septembre, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils ont, pour rappel, la clause, et que si Lawson n'est pas titularisé d'ici mi-septembre ou dans ces eaux-là, il peut casser son contrat, et donc potentiellement aller négocier, non pas que les places n'existent plus, mais il reste une place chez Sauber, théoriquement. Et Daniel Ricciardo, lui, de son côté, qui a plus ou moins compris que la place chez RB s'était foutue et qui essaye justement de sauver ce qu'il peut en négociant soit chez Sauber, soit en faisant pression pour avoir la place chez Red Bull. Et en plus de cela, il y aurait l'équipe sportive. Alors, je sais plus si ça concerne les ingénieurs, mais en tout cas, les mécaniciens auraient des bonus dépendant du championnat constructeur et qui seraient en interne auprès de leur syndicat pas contents parce qu'ils se rendent compte que l'équipe est plus intéressée par le championnat pilote que le championnat constructeur et qui se disent que ça leur fait pas plaisir de se dire on va peut-être pas gagner le championnat constructeur. Alors, apparemment, ça semble coïncider avec des choses qui se disent dans le paddock depuis quelques temps, mais je sais pas si vous, de votre côté, vous avez pu lire ces choses-là, entendre des échos qui peuvent appuyer un peu ce que je viens de vous rapporter. Sauf erreur de ma part, sur Canal, Montagny aime bien... c'est le genre là où Febro et les autres essayent de rester dans leur rôle de journaliste et de ne balancer une info que dès qu'ils ont la confirmation, eux, sur leur source qu'elle est vraie. Montagny aime bien, lui, passer au-delà de ça et dire « machin a dit ça dans le paddock, je l'ai entendu, donc je le balance à l'antenne ». Et sauf erreur de ma part, rien que tout à l'heure en qualif, il a rapporté justement le fait qu'il y avait... une mauvaise ambiance en interne et que Verstappen n'était pas content et que si Verstappen n'était pas content, le père Verstappen n'était pas content non plus et que si le père Verstappen n'était pas content, il y a sûrement des dentistes qui, eux, allaient être très contents derrière. le fait est que, que cette déclaration de ce journaliste soit vraie ou pas, c'est un peu un secret de polichinelle. Dans tous les cas, ça fait... j'ai l'impression que ça fait depuis presque Miami que Marco répète que le siège de Pérez est il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je t'interromps. À chaque fois, oui. Je me rappelle, il aurait été dit aussi que Pérez, bien que il ait eu le contrat de 2 ans qu'il voulait, il tire la gueule profondément parce qu'il y a énormément de clauses d'exclusion dans son contrat et il aime pas ça. Ah bah, il y avait qu'à être bon aussi. Non, mais on est d'accord. Je restitue. Je suis à peu près sûr que sur le même contrat, Verstappen a moins de clauses d'exclusion, bizarrement. Conséquence, la bonne amitié entre Pérez et Horner, depuis quelques temps, c'est plus trop ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'ai l'impression que Marco, tous les 3-4 Grands Prix, dit ouais, c'est les 3 derniers Grands Prix de Pérez, s'il ne se réveille pas, c'est fini. Il aurait dû se réveiller. Il ne s'en parle plus là. C'est fini. Alors, quand même, tu vas pas me dire qu'il déclare ça à chaque fois maintenant, c'est bon, il a prolongé jusqu'à la fin d'année. Théoriquement, il devait, avant la trêve estivale, il y a eu ça qui avait été dit en disant, voilà, à la trêve, on tranche. Et quand on est revenu à Zandvoort, qu'on a vu les perfs de Perez, on a dit, s'il ne performe pas dans les prochains Grands Prix, quand même, mais bon... C'est un enfer. Ouais, ça dure, bon, ça dure. Ça ne se termine jamais. Voilà, il est tout le temps gardé. Voilà, le seul moyen, comme tu disais, Mick, comme tu le rappelais justement, que pour moi, Perez saute là, c'est qu'ils se disent, on a Lawson sous le bras qui est trop quelque chose à tenter, qu'on ne peut pas prendre le risque de laisser partir ailleurs. Et qu'ils prennent le risque de, enfin le risque c'est pas trop un risque, mais de foutre Ricciardo à la place de Perez et de foutre Lawson à la place de Ricciardo, de faire ce jeu. Ça serait pas mérité, tu vois, dans ce cas-là, parce que j'en ai parlé il y a quelques temps et je me suis fait défoncer parce que moi je trouve que Tsunoda, voilà, il est pas exceptionnel. Maintenant, si tu dois mettre quelqu'un à la place de Perez, mets Tsunoda et pas Ricciardo, quoi. Je dirais à un moment. Non, mais on est d'accord. C'est ce qui tombe le plus sous le sens. Moi personnellement, je mettrais aussi aussi Tsunoda. Ben, Moi je le mettrais pas. Moi personnellement, je le mettrais pas. Mais je laisserais Perez. De toute façon, ça sert à rien. On s'en fout. Mais je veux dire, si tu dois mettre quelqu'un, tu mets Tsunoda. Okay. Quoi. Je me dis quitte à avoir une voiture qui finit 18e quand l'autre est deuxième. C'est vrai. Autant tenter. Enfin, je me doute que Tsunoda fera pas pire que Perez. Il fera peut-être pas mieux, et ce sera peut-être autant la merde pour Red Bull, mais il fera pas pire. Donc autant essayer quelque chose, d'autant plus que Perez, au-delà des mauvaises perfs qu'il fait, il y a aussi un aspect sur l'image de l'équipe qui est terrible, d'avoir un mec qui est là, qui ne vit. Enfin, aujourd'hui, pour moi, Perez, c'est très méchant et très dans l'air de l'instant de ce que je vais dire. Mais Perez ne vit que sur le Abu Dhabi 2021, d'avoir fait une défense de malade sur Hamilton et d'avoir été porté au sommet en disant, voilà, si Verstappen est champion, c'est en partie grâce à Perez, là où le reste de la saison, voilà. C'était en 2021, quoi, c'est ça le truc. Depuis, il n'y a plus rien, c'était il y a 3 ans. Le carnet d'excuses, il est plein, il n'y a plus de place. À part quelques performances ici et là de temps en temps, le King of the Street, voilà, le fameux King of the Street où il revenait sur 3 grands prix urbains dans l'année, c'est bon, c'est fin. Le cas Perez. Toi qui aimes le foot, Tim, Perez, c'est le Benjamin Pavard de Red Bull. tu ne vis que sur ton but de la Coupe du Monde. Sur le second poteau, Pavard. Pour le coup, oui et non, parce que Pavard a quand même prouvé depuis le temps que. Voilà, c'est quand même un peu, mais là où, pour le coup, Perez, je trouve qu'il n'a pas. Alors, à sa décharge, il y a toutes les années d'avant où, oui, quand il a été annoncé chez Red Bull, je pense qu'on était tous unanimes pour dire putain, enfin, il le mérite d'être dans un top team et d'avoir sa chance. Mais le fait est que c'est un physique qui est là. Oui, c'est ça. Il y a des pilotes qui ne sont juste pas faits pour les grosses équipes et qui sont faits pour être dans le milieu de tableau et pour truster les équipes du milieu de tableau et pour faire 2-3 bonnes perfs par saison, par-ci, par-là, et sortir du lot à ce moment-là. C'est pour reprendre pour rester sur la transition avec le foot, pareil, il y a des entraîneurs qui ne sont bons qu'à sauver des clubs de la relégation. Des entraîneurs, quand tu les prends de ces équipes-là qui jouent la relégation, quand tu le mets dans une équipe qui est censée jouer le titre, l'équipe, elle finit 10e parce qu'ils ne sont pas capables de gérer des égos, de gérer des grosses équipes, de gérer des tactiques et des joueurs de ce niveau-là. Pour moi, Perez, c'est un peu le même cas. C'est un mec qui ne performe que dans une équipe moyenne de milieu de tableau, voire de bas de tableau. Et c'est pas forcément faire injure au pilote qu'il est, c'est juste reconnaître que voilà, il a pas le talent d'être un pilote de classe mondiale comme peuvent l'être des Hamilton, Verstappen, Weber, tout ça. Ouais, Alonso. Gazou. Ah, il l'a placé. Oui, mais du coup, Tim a quasiment tout dit, j'ai presque rien à rajouter. Oui, Perez, en fait, il y a un gros problème. Comme le disait Tim, je suis d'accord avec lui, le costume est trop grand pour lui chez Red Bull. Et comme le disait Anthony, c'est un physique qui est là, en fait. Il était excellent dans des petites écuries. Quand tu le mets chez Renault, aux côtés d'Alonso, bon, il survit à peine, quoi. Il sort à peine la tête de l'eau, quoi. Donc, le problème de Perez, il est là, effectivement. Il a été brisé moralement après Miami 2022. Quand Verstappen l'humilie sur une ligne droite, c'est terminé, alors qu'il sortait d'une victoire de Bakou et qu'il s'était dit Bon, si tu vas me dire, ouais. Qu'est-ce qu'il est allé dire cette connerie, ça y est, je peux aller chercher le titre. Calme-toi, garçon. Donc, bon, il s'est honteux. Je me rappelle, il y avait déjà plein de mèmes qui faisaient des parallèles entre Pérez et Rosberg. Attention, ouais, ouais. Attention. Non, mais c'est, le mec s'est auto-mis dans la merde tout seul. Mais après, Pérez n'est pas non plus, attention, un mauvais pilote. C'est simplement qu'il est dans la mauvaise écurie. Et en plus, admettons que Red Bull s'en sépare à la fin de la saison 2024. C'est un très gros problème. Parce qu'on va se retrouver potentiellement avec un pilote sans volant pour l'année prochaine, un pilote qui amène 15 barres, pardon. Quelle écurie ouais. Peut se baser de 15 millions, quoi. Mais enfin, même, pour le coup, même au-delà du côté financier, moi je suis une équipe comme As, demain Red Bull dégage Pérez, je me demande si ça vaut pas le coup de sauter dessus et de le prendre. Mais c'est le problème, bien sûr. Non, Ocon n'a pas de financement, donc il a eu le baquet. Ouais, il est quand même meilleur que Pérez, faut arrêter. Oui, Ocon, il est sous-côté de fou, quoi. D'accord, non, mais bien sûr, non, c'est pas minimiser le talent. Non, mais là, c'est même pas une discussion sur le rationnel, hein. Attention, c'est juste une discussion sur le. Ocon, il s'est déjà fait carré en 2018, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Ocon est sous-côté, on est d'accord, mais je veux dire, il n'a pas de grand soutien, et franchement, touchant du bois, Gasly par la Red Bull Junior Team et Ocon par un peu Toto Wolff et Gwen Lagru, etc. Bon, voilà, ils sont en Formule 1, touchant du bois, c'est presque un miracle. C'est pas faire un jour à leur talent. Mais je veux dire, derrière, ils n'ont pas de financement, c'est ça le problème. Quand tu as Guan Yu Zhou qui est là, parce que c'est pareil, la manne financière, elle est quand même énorme, et bizarrement, ça n'arrive même pas à essayer de convaincre des écuries de quand même le conserver, parce que quand même, ce qu'on a vu cette année à Shanghai, c'est des tribunes pleine. Alors d'accord, t'as l'effet Covid, la course était revenue depuis 5 ans d'absence ou 4 éditions, je ne sais plus, je veux bien, mais ils étaient aussi là pour voir leur pilote quand même, et c'était la première fois qu'ils roulaient à domicile. Et je pense que l'an prochain, les tribunes, enfin s'il est là, logiquement les tribunes sont pleines. Donc tu ne peux pas ignorer ça, et quand tu es un constructeur, si le marché asiatique t'intéresse, tu ne peux pas l'ignorer non plus. Donc, et c'est vrai que le marché des pilotes tel qu'il s'est organisé un petit peu comme ça, si on a Guan Yu Zhou et Pérez à la rue l'an prochain, ça serait quand même très étrange au vu de la manne financière qu'ils amènent. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai que Pérez, là, tu le sauves pour 2024, bon, je vais être bien gentil, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour 2025, il ne va pas faire long feu. Donc, le problème, c'est que Pérez aurait pu rebondir, par exemple, chez Williams. Bon, et oui. il fallait une place pour Sainz. Williams, des bons pilotes. Tu vois, c'est ça aussi. Mais alors, Pérez chez Williams, ça fait le café. Pérez chez Alpine, ça fait le café. Pérez chez Haas, Pérez chez Steak. Mais le problème, c'est que les line-up sont... par exemple, Steak... Qu'est-ce qu'ils sont allés signer, Hülkenberg, pardon? Hülkenberg, franchement, il est capable de faire c'est un pilote qui te fait des résultats. Il sort des saisons de fou chez Haas. Alors, d'accord, il sort une saison de fou chez Haas. Ok, d'accord. Même deux, les deux dernières. D'accord. Mais qu'est-ce que veut faire Steak? Alors, à la rigueur, ils le prennent parce que c'est pour faire la transition, parce que de toute façon, Steak ne fera pas les résultats qu'ils sont amenés à faire. Et puis, est-ce que avoir quand Audi arrivera, est-ce qu'avoir un pilote allemand comme Hülkenberg en ambassadeur de ton équipe, ce sera pas une bonne chose aussi, tu sais, de alors est-ce qu'il sera encore pilote là-dessus, ouais. Mais est-ce que ce sera bien en tout cas de l'avoir dans ton giron pour avoir peut-être tes deux pilotes qui où tu vas chercher de la perf avec un Hülkenberg qui a été en Formule 1, qui a la gueule, qui a le nom, qui a ce côté où tu dis, ah, il est quand même cool, on l'aime bien Hülkenberg, tu vois. Hülkenberg est un petit peu une bonne chose pour est assez aussi. Performant à l'expérience et un peu lisse entre guillemets. C'est pour moi un parfait ambassadeur la signature pour une structure comme Audi qui arrive, hein. Je comprends la signature, mais je comprends pas le projet, si tu veux. Oui, d'accord. Après, pour moi, le projet, après, parce que si je suis avec Hülkenberg, il est Être honnête, c'est le deuxième pilote que va aller chercher. Alors peut-être pas l'an prochain Steak, parce que ça me choquerait pas que Joe, mais qu'il y en ait un des deux qui reste. Parce que il est là et que voilà. Par contre, 2026, parce qu'il apporte, Oui, parce qu'il apporte du budget, oui. Mais 2026, que tu es une radia, que les deux dégagent et que tu places deux pilotes de nouveau ou deux pilotes de la grille que tu ailles chercher pour construire ton projet Audi, ça ne me choquerait pas plus que ça. Hein. Ouais, mais qui en veut de ce projet Audi? Parce que tu vois, même Sainz a refusé alors que son père l'avait placé. Tu moi, vois j'en veux. Après, j'en ouais, veux. Après, je ne sais pas. Oui, mais pour être honnête, je pense que c'est un excès d'orgueil. Après, ce projet Audi, qu'est-ce qu'il vaut ensemble. Vraiment? Parce que quand il a été annoncé, tout le monde, et moi le premier, pour moi, dès qu'Audi arrive dans une catégorie, ils n'arrivent pas pour faire de la figuration, ils arrivent avec les moyens, ils posent les bases, ils viennent pour gagner, ils gagnent, ils s'en vont, ils sont contents. Ouais, quand tu avais Dr. Ulrich, mais quand tu as. Là, je me dis, le fait que tu aies ce projet qui, sur la gueule, sur le papier, a de la gueule quand même, et que tu n'es pas les pilotes qui se bousculent pour vouloir y aller, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas en interne des trucs qui. Voilà, sont un peu moyens quand même. Il y a le casting déjà qui. Bon, et c'est pareil, Audi arrive. Attention à ne pas faire un Toyota bis. Toyota avait les moyens. Et on n'a rien vu de Toyota F1. Oui, oui. Et pourtant, alors, mais et pourtant aujourd'hui... Toyota c'est différent parce qu'ils sont, ils sont partis... je confonds avec BM, pardon. Non, mais tout le monde dit de Toyota qu'ils avaient la meilleure soufflerie. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Oui. T'as beau avoir tu as beau avoir le budget... T'avais pas les meilleurs... pilotes. Et c'est ça. En fait, le problème, c'est que... Non, mais ça, pour rien dire. Yarno, il est adorable et j'aimerais très bien le rencontrer. C'est pas le problème. Mais Yarno Trulli, c'est comme Fisichella. C'est comme... Voilà, c'est des pilotes qui sont très bons dans le milieu de grille pour aller chercher un titre. Non. Et Ralf Schumacher, non plus. Et pourtant, je l'appréciais. Mais non, ils sont pas allés chercher les bons pilotes. Tu vois, je pense que c'est ça. Donc là, si Audi fait la même chose... Je pense qu'il y a eu juste un excès d'orgueil. Ce que j'allais dire, c'est que à l'intersaison, c'était le projet autour de duquel on parlait le plus. Il y avait déjà les rumeurs de Ocon chez Audi. Il y avait quelques autres noms qui étaient un peu balancés comme ça, mais 2-3. Et quand on a annoncé Hamilton chez Ferrari, tout de suite, on a dit Sainz chez Audi, tout ça. C'est allé très, très vite. Et du coup, je pense que Audi, ils se sont dit d'accord. On est en position de force, donc on va construire notre projet autour du petit vieux. Ce sera un Allemand, on sait que ce sera une référence solide. Et à côté, on va prendre le petit jeune pour que dans 3-4 ans, c'est lui qui aille nous gagner les titres. Et puis voilà. Je pense qu'ils sont partis dans cette optique. Et aujourd'hui, eh ben, ils se sont rendus compte que personne ne voulait aller chez eux. Et que ça se trouve, l'an prochain, bah, comme tu dis, Anthony, ils vont se retrouver avec Hülkenberg-Joe, parce qu'ils vont se dire, ouais, bon, Bottas, on va préférer les 30 millions. Tout ce travail-là sera à faire l'an prochain. Si l'an prochain, ils ont un line-up de merde, entre guillemets, c'est pas si grave pour l'équipe. C'est 2026, surtout. Ah bah ouais, avec la voiture qu'ils ont, c'est sûr. Hein. C'est dès qu'ils arriveront en 2026, avec le nom Audi, la voiture estampillée Audi, et où là, ce sera vraiment Audi et pas une équipe qui emprunte le nom, ou je sais pas comment s'appellera Kik l'an prochain. Mais l'an prochain, bon, s'ils sont un peu à côté, c'est pas si grave, je trouve. C'est justement l'an prochain où ils vont devoir travailler en interne, eux, à se dire, bon, voilà, qui on veut l'an prochain comme pilote, comment on bâtit notre projet, et que ce soit pilote ou autour, parce qu'il y a le board de l'équipe qui va être super important, il y a derrière les ingénieurs, chaque personne qui va être en tête de chaque département, que ce soit l'aéro, la stratégie, tous ces trucs-là qui vont être super importants aussi. Et c'est l'an prochain, enfin, le travail, je pense, déjà entamé très largement, mais c'est l'an prochain qu'il faudra tout boucler, donc... Si cette année, on n'a pas encore les bases de ça ou qu'elles ne sont pas encore connues, je trouve que ce n'est pas si inquiétant que ça. Quoi. Vas-y, Loïc, pour conclure. C'est juste une question, mais vraiment, les baquets qui ne sont pas encore sécures pour demain, pour 2025, pardon, il reste quoi? Il reste celui Kik et, de Bottas. Kik et RB. RB. Même si, voilà. Oui. Mais officiellement, Ricciardo n'a pas été annoncé. Voilà, c'est ça. Okay. Attends, annoncé chez qui? Chez Red Bull l'année prochaine? Chez Racing Bulls. Chez Racing Bulls. Non, mais il va pas être. Non, mais arrêtez. Putain, il va pas faire une autre saison. Non, c'est pour ce que j'ai compris, il sera pas annoncé. Arrêtez, je vais décider ce soir. Non, mais pas c'est Perez que j'aurais bien voulu qu'il arrête. Hein. Putain. Donc il reste deux places, du coup. Non, visiblement, de ce que j'ai compris il y a quelques mois, on est carrément sur du Lawson l'an prochain, à moins qu'il y ait un truc de malade. Oui, parce ça, que... je pense. Mais est-ce que Lawson Hadjar ou Lawson Ricciardo encore pour une 25e année Alors... Si Hadjar va chercher le titre en F2. Vu comment il a été porté depuis quelques années et comment il est vu comme le futur produit Red Bull, est-ce que tu peux te permettre de laisser sur le banc Ouais, mais tu regardes Lawson, ils l'ont mis sur le banc pendant un an et demi et finalement, il va arriver en F1. Donc, chez Red Bull, ouais, mais Lawson n'a jamais eu le. Alors, pas l'aura, parce que c'est pas le mot, mais le... Oui, bien sûr. Le matériel que peut l'avoir Adjar. Eh ben, je sais pas. Tu crois? Franchement, ah oui. Lawson, moi, il a montré plein de trucs. À chaque fois qu'il roulait, il gagnait. Oui, ah non, mais pour moi, j'ai envie de le voir en Formule 1 et je trouve qu'il mérite sa place, enfin, son essai en Formule 1. Mais dans les discussions, je trouve que ça n'a jamais été autant mis en avant comme le crack, comme peut l'être Adjar mis en avant depuis 2 ou 3 ans. C'est vrai. Juste comme ça, si 2025, ils perdent Verstappen chez Red Bull, c'est quoi l'avenir chez Red Bull? Qui m'aide à la voiture la voiture en 2026? Ah bah là, oui, c'est le problème. Le cadre de sauvetage, c'est ça l'avenir. J'ai entendu des choses sur le moteur Ford qui ne seraient pas forcément encourageants. Hein. Je ne suis pas certain que Ford... Ce que j'en sais, c'est que même marketingement, les affaires de Google Drive n'ont pas beaucoup plu à Ford. C'était pas Ford qui avait dit qu'ils étaient en train de se poser la question. On n'en parle pas depuis des mois parce que visiblement, il y a plus ou moins des snipers pointés sur la tête de tous les journalistes qui voudraient aborder le sujet. Mais, On va pas l'aborder. Voilà. Je dis ça juste sur le ton de l'humour, hein. Mais je suis persuadé que Helmut Marko, quand il voit qu'il y a Antonelli chez Mercedes, qu'il y a Doohan chez Alpine, tout ça, il se dit, allez, les autres, ils me font chier 2025, Adjar. Allez, bim, Perez, tu dégages. Et Adjar. Oh, yeah. Ce serait même pas déconnant venant de lui. En fait, la question, c'est que si... Oui. On doit se le taper jusque quand, Perez? Fin 2026. Fin 2025. 26, oui, 2 ans. Tu 25 ou 26 26, 2 ans, il était c'est 2 ans. Arrêtez, il n'ira pas jusque-là. Je vais le faire, la transition moteur avec Perez. Si tu sors Perez du jeu, je suis désolé. T'as Mercedes qui vient de faire un coup marketing, parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce que je suis désolé, il faut aussi qu'on l'aborde. Qu'est-ce qui va se passer le premier Grand Prix, même dès les essais hivernaux? Qu'est-ce qui va se passer dans les paddocks de la F1 dès les essais hivernaux de 2025? Je ne sais pas où est-ce qu'on sera. Bahreïn? On sera à Bahreïn aux essais? Certainement. Qu'est-ce qui va se passer? L'ensemble des caméras, elles seront où? Chez devant le stand de, devant le stand Ferrari, parce qu'il y aura Hamilton. Devant le stand Ferrari. Devant le stand de Mercedes, un peu. Il y aura qui comme caméra devant le stand Red Bull? Ils n'auront rien à cirer. Ça dépend si Verstappen est champion ou pas cette année. Oui, d'accord, mais je veux dire, est-ce que tu peux quand même vachement rivaliser face à un Hamilton qui débarque chez Ferrari? Tu peux pas rivaliser, mais dans l'absolu. Franchement, c'est très compliqué de rivaliser. Tu peux pas rivaliser, mais dans l'absolu, si tu construis l'avenir, tu sors Perez, 2025, tu mets Lawson à côté de Verstappen et tu mets Adjar et Tsunoda chez Vekarb. Ouais. Moi, si j'étais Helmut Marko, c'est ce que je ferais. Ouais. Mais bon, comme on l'a évoqué avec Percy dans une émission qui est encore disponible sur BFM VOD et tout ça, c'est que chez Red Bull, c'est un merdier politique depuis le décès de Mateschitz et c'est en guerre pas possible entre les clans thaïlandais et autrichiens, et là c'est encore... On l'abordait très souvent. Un dernier mot avant qu'on enchaîne ou... Juste que je ne comprends toujours pas comment Christian Horner est encore... Enfin, réussi à survivre à tout ça, en fait. Il est très, très, très malin, quand même. Parce grand mot vraiment... de sagesse. Vraiment. Allez, on va faire tourner les roues. J'ai une question, moi. Red Bull, parce que justement, et le bras de fer, là, il va... Est-ce que ça ne va pas finir, justement, où à un moment donné, Red Bull va péter un câble, ils vont se barrer de la Formule 1? C'est un risque quand même ou pas? Je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas parce qu'ils ont trop le nombre. Pas pour un avenir proche, pour un avenir plus lointain peut-être. Je sais pas. Parce que autant l'entité Red Bull peut vivre sans la Formule 1, ils ont tellement de choses à côté qu'il n'y a pas de souci. Mmh. Autant aujourd'hui, avec la médiatisation qu'a la Formule 1 et le fait que Red Bull soit l'équipe qui gagne, etc., je pense qu'ils ont marketingement trop à perdre de quitter la Formule 1 aujourd'hui. Aujourd'hui et dans les... Parce que même regarde Mercedes, ça fait 3 ans qu'ils ne gagnent plus ou qu'ils ne gagnent plus comme ils gagnaient avant. Pourtant, ça reste encore Mercedes et on continue de parler de Mercedes. Donc, même si Red Bull s'effondre en 2026, je pense qu'au moins jusqu'en 2030, ils auront un intérêt à rester en Formule 1 marketingement parce qu'ils auront toujours l'héritage qui suivra l'équipe, tu vois. Et puis même, Je vois. Je fais une toute petite parenthèse vite fait. Prends l'exemple de Haas, par exemple. Haas, que l'on disait quasiment à la vente avant le Covid, parce qu'on commençait déjà à évoquer qui pourrait racheter As, parce que vraiment, ça n'allait plus, 2018-2019, surtout après l'épisode Rich Energy. Vraiment, As, voilà, c'était vraiment l'équipe que l'on voyait la première être vendue. Il y a eu le Covid, les équipes sont valorisées désormais à 1 milliard. Bon, ben, c'est terminé, quoi. Plus personne n'est à vendre. Bon, alors, on va faire finalement les roues. Et puis, on verra tout ça en fin d'émission. Donc, c'est parti. Télécadeau pour s'en mettre plein les euros. Formule BlaBlaCorp Limited te propose de gagner des lots incroyables en rapport avec la Formule 1. Participe au tirage au sort pour peut-être gagner un lot de la catégorie 1. Un body pour bébé entre 12 et 18 mois, une casquette spéciale du Grand Prix de Miami, un pyjama officiel Formule 1 en taille L, le t-shirt officiel du Grand Prix de Miami en taille L, un masque sanitaire Kimi Raikkonen et plein de jeux vidéo de Formule 1 comme le célèbre F1-05 en portugais avec Thiago Monteiro sur la couverture. Alors, Strix... On n'existe que pour ça, je vous le dis. Attends, je rattrape. J'ai plus d'oreilles, là. Ouais, je ne sais pas pourquoi les sons sont autant déséquilibrés. Alors, nous allons faire tourner une petite roue qui va déterminer du gagnant du jour, s'il est là. Vas-y, Strigoun, je te laisse faire tourner, si ça le veut. Et on fera venir la personne si elle est là plus tard dans l'émission, parce qu'on va essayer d'être un petit peu plus strict sur le planning, puisque Monsieur D nous a fait comprendre que demain, il n'allait pas dormir pendant les 72 prochaines heures et qu'il voudrait bien un petit peu dormir. De qui parle-t-on? c'est Gazou. C'est Gazou. Ah voilà. Gazou d'Angleviel. Alors, c'est moi ou David, il décède, là. Ça a marché. Alors, non, c'est que ça lag, je crois. En train de décéder là. Ouais, ça lag de l'espace. Nevolat 1 est notre gagnant, donc Strigoun va t'envoyer un petit message. Et puis voilà. Anthony, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es dans une émission de jingle. Oh. Alors, je crois l'avoir compris. Alors, on va commencer avec une petite séance jeu. Je voulais le faire à la fin, mais bon, je me dis, il faut quand même qu'on fasse les jeux avant. Donc, on va te présenter le jeu préféré de tout le monde dans le chat. Ils vont être très contents, on l'a annoncé, c'est le retour du meilleur jeu d'FIMG, Night Fever. Et pour l'occasion, on a même préparé un jingle, puisque, comme je l'ai dit, c'est une émission à générique, à jingle. Surprise. Cette rubrique s'appelle les Danouises. Et Gazou, il est tout content. Ah ouais. C'est le retour des Danouises. Alors, je laisse la parole à Tim. Alors, attends, parce que mon ordi est moi aussi en train de décéder actuellement. Pas de soucis. On est d'accord que c'est Danny Briand qui roule chez Mercedes. C'est Danny Briand. C'est totalement Danny Briand. Tu as tout compris. Alors, déjà, est-ce que Gazou, tu saurais nous rappeler le délire de Danny Briand, parce que ça remonte à chez vous dans le Racing Café? Oui, tout à fait. Alors, attends. Si je me rappelle bien, c'est à l'époque où on avait encore Greg Dorupteur qui nous faisait les montages à la fin de l'émission. Et on avait... c'était des face-up, en fait. On mélangeait des face-swap, ouais. Ouais, des face-swap de tête. Et il y a Danny Briand qui revenait souvent. Et on l'avait mixé, donc, du coup, avec plein de pilotes, plein de références sport automobilesques. Et donc, on avait... et puis, bon, surtout les têtes de Danny Briand qui sont juste exceptionnelles. Je crois que le garçon aime un peu l'automobile. On l'avait vu, d'ailleurs, dans des photos dans un petit roadster anglais, je crois, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, il y a toute une arche narrative sur Danny Briand qui est juste exceptionnelle. Et, bon, ben et voilà. Tim nous a créé le meilleur jeu du monde. Oui, parce qu'un soir où il ne pouvait pas y avoir de Racing Café parce que Michael n'est pas là, Gazou m'a contacté, m'a dit « Eh, viens !» On fait le Racing Café, mais sans Michael. Et du coup, on a fait une émission du Racing Café, mais sans Michael Duforest. Et du coup, on a fait les jeux d'habituel, mais cette fois, Tim a improvisé son propre jeu. Et c'est le Danwiz, et c'est resté. Donc, je te laisse. Attends, on va le mettre. Oui, parce que du coup, voilà. Oh là là, c'est exceptionnel. Il y a un plateau quand même. Dany est en plateau pour cette émission. Il est tellement heureux d'être là, ça se voit. Pour rappeler les règles, parce que les règles sont quand même un petit peu particulières. Il faut le temps d'adaptation. Donc normalement, je vais juste vérifier, mais normalement, il y a un test avant. Oui, il y a un test avant. L'intelligence de QI. De débilité, c'est un test de débilité en fait. Débilité. Tim, oui. Mais en plein écran. Ah, mince. F11. J'ai fait un partage. En bas à droite. Ah. Bien joué. Ah, ouais. Ah. Oui, mieux. Avec les flèches après. Alors, je prends la tête de Danny Briand et je la mets sur une scène. Peu importe l'image, une scène. Et l'objectif, c'est de trouver deux réponses. La première, c'est le jeu de mots, qui commence forcément par Dany, et le nom de famille, en général, c'est le jeu de mots. Et la deuxième réponse à donner, c'est le nom du pilote qu'on cherche. Ok. Ok, alors, il y a un exemple, quand même. Si je te montre ça, par exemple, Anthony, qu'est-ce que tu me dis ? Alors... Dany, putain, c'est quoi la blague? Parce que c'est Hamilton. C'est Lewis Hamilton. Le pilote. Oh, mais c'est à moi ça ou quoi? Alors, les bulles peuvent aider comme elles peuvent ne pas aider. C'est juste au début, j'ai mis ça parce que je trouvais ça très drôle et très con. Et comme je suis très con de moi-même, je me suis dit, je vais les mettre tout le temps en fait. Et donc, des fois, il n'y a pas besoin de la bulle. Mais, non, j'ai pas le jeu de mots. Attends, j'ai Hamilton, ok. Dany, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Dany Marteau? Non. Regarde. Regarde bien, qu'est-ce que c'est qu'il a dans les mains? Qu'est-ce qu'il a écrit? Attends, dans les mains, ça c'est une barre là? Ouais. Oui. Ouais. Dany Mast? À droite. Non, sur la masse. Milton, ouais, ça, Milton, ok? Ouais, et bien c'est tout simple là. Hein. Ah oui, non, mais il n'y a pas de jeu de mots sur celui-là, c'est juste Dany Milton, ouais, c'est ça? Non, c'est Dany A. Milton. A. Milton. Ah oui, il a Milton. Oui. Ah ok, d'accord, voilà. Ok. Ouais. Il voilà. Y avait par exemple l'exemple. J'ai mis la phrase dans le chat pour. Voilà, l'exemple que je montrais avant, c'était Sébastien Vittel, donc Dany Vittel, donc Dany Briand qui buvait une bouteille de Vittel. Et le nom à trouver, c'était Sébastien Vettel. Voilà. Ok, ça va. Non, mais ça, je l'avais. Milton, je l'avais. Ok. Voilà. Ok, très bien. Bon. vu que tu es Anthony Drevet et que tu es la voix des juniors, je me suis dit que cette émission allait être. Enfin, ce jeu allait être spécialement autour des juniors. Donc, les grilles de cette année de F2 et de F3. Pas mal. Je pense que c'est grand monde. Ça, c'est pour les puristes. Non, non plus. Ah oui, bon, normalement, elles ne sont pas très compliquées. Même si les pilotes ne sont pas faciles à avoir, les noms devraient être faciles à trouver. Ça va me faire réviser. Maloney. Maloney. Oui. Alors. Dany et Maloney. Du coup, Mick. Bon, Maloney, là, elle était facile. Donc, c'est les deux. Hop, pour Mick. Donc, Dany Maloney, hein, bien évidemment, avec son nez pété. Oh là. Ah, j'adore. Mini, Gabriel et Mini. Ah oui, oh, pas purée. Mal. Dany et Mini. Et du coup, Anthony, je t'accorde le point pour le Dany et Mini, parce que Mick. Mick ne comprend toujours pas le jeu après. Après, j'essaye de trouver le deuxième, mais c'est plus long à venir. Il y en a que 6, donc ça va, on est déjà à la moitié, c'est rapide. Putain, mais c'est merde, pas moi. Il n'y a pas de Potter. C'est Ron Weasley, mais qui c'est dans F2 ou en F3 qui peut se. Attends, je n'ai pas. Enroux. Quoi? Bon, le enroux, c'est juste parce qu'il est roux. C'est ah, d'accord. T'es à moi ou quoi? Danny Aaron? Pornaroli? Ouais. Bravo! Alors, Strig a trouvé Danny Aaron. Ouais, et Paul ah, Aaron. Oui! Et du coup, Paul Aaron pour. Ah là là, c'est beau! Ah, donc, ah d'accord. Bravo, franchement, bravo. Ok, voilà. Ok. Hermione ou Danny, dans le cas présent, qui dit Aaron, tu es à moi. Voilà. Aaron. Là, elle a l'air trop romantique. Voilà. Quoi. Oh, mais t'es à moi voilà. Ou quoi, mon petit ronron? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Haddock en roue. Ah bah oui, en roue. Et qui écrit en roue. Tu sais que là, j'étais en train de penser F4 allemande, hein, Haddock et tout. Non, je suis pas allé jusque-là quand même. Il a pas roulé d'ailleurs en F4, je sais plus. Ouais, je sais plus, honnêtement. En Italie, je crois. Italie, c'est sûr. Ouais. Allemagne, je sais pas. Allemagne, je sais pas. C'est quoi, plutôt que je cherchais les pilotes, moi, je vais me chercher le jeu de mots. Là. Danny Dune. Oui, bien. Oui, oh, pas mal, Alex Dune. Oh là là, c'est beau. Bravo. Magnifique, magnifique. Oh, bien joué. Moi, ça m'a évoqué le Seigneur Danny des Anneaux. Les... Je pensais à Star Wars au début, mais. Ah, bah, oui, pas ça. J'ai fait les choses bien quand même. Je me suis amusé. Mais, à quelle, mais quelle image cauchemardesque, il y en a partout. Et je peux vous assurer que celui-là, à chaque fois que j'intégrais un visage, je prenais du recul sur mon écran. Je disais, ah, il est bien quand même, celui-là. Ah non, mais ils passent tous trop bien, c'est ça tu le pire. Tu as passé combien de temps à le faire, tout ça? Celui-là, c'est le plus long. Tout, j'ai mis 2 heures à tout faire. Et celui-là, j'ai dû mettre 1 heure, peut-être. Rien que celui-là. Le chauve à gauche, il est incroyable. Il est exceptionnel. Ah, putain, ouais, ils sont tous chauves. Ah, mais attends, ouais, non, mais celui qui est au plus haut des, le plus haut des trois chauves. Ah, voilà. Ouais, celui qui prend son pilage. Ouais. Pas mal, ouais, magnifique, c'est magnifique. Moi, j'attends un jeu de mots sur Tommy Smith. Alors, attends. Non, il y sera pas, il y sera pas. Oula, c'est quel film, ça? Attends. Il est un peu plus compliqué, celui-là. Attends, je mets un chrono parce qu'il faut pas que ça... Ah ouais, attends, faut pas que ça dépasse... Attends, qu'est-ce qu'il y a comme pilote? C'est Nuée de Laurier derrière, non? Je crois qu'il y a un tueur. Ah si, tu Villa Gomez, Dani Villa Gomez. Ça aurait pu. Ah, je suis tellement déçu. Mais c'est pas ça. Mince. Ah non, mais elle mérite un demi-point, hein, parce que. Allez, un demi-point. Mais si je peux vous aider, le jeu de mots qu'on trouve et le nom de famille, c'est qui pareil, mais ne se prononce pas pareil. Ah, moi je dirais que c'est Dani et voisin. Oui. Oh, bon. Voilà, et c'est le vieux qui fait « Je vous aime pas beaucoup, vous !» Et du coup, voilà, j'habite juste là parce que c'est son voisin. Voilà. C'est son voisin. Ah, c'est pas mal. Et du coup, on est sur le dernier, je crois. Faut être connaisseur. Oula. Il n'y a aucun pilote qui s'appelle Colin, on est d'accord? Non. Rassure-moi que c'est pas le jeu de mots de Danny à chier, quand même. Non. Ouf. Mais... Ah, il n'y a aucun pilote qui s'appelle constipé. Au Chili Van, tu sais. On aurait pu dire Cola Pinto, mais il n'est plus là. Non. Daniel Dufek, Oui. Ouais. Oh non. Celui-là, je ne l'aurais pas eu, Dufek. Ah, je l'aurais pas eu du fake. Alors, il est pas genre 37e du classement de F3, un truc comme non, ça. Non, il est pas si mal. Il a non, marqué mais après, point. J'y ai pensé parce qu'on en entend souvent parler, parce qu'il est souvent dans un petit coup de volant, un petit accrochage ici et là. C'est vrai. Pas autant que Tommy Smith quand même. Non, je sais. Mais Tommy Smith, j'y ai pensé et je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais faire le gars avec le poing levé, ça va être trop facile. Ouais, donc. Voilà, je l'ai pas fait. Alors, du fait que c'est pas et mal. C'est fini. Et c'est fini. Oh là là, déjà. Et Dani est en larmes parce que c'est déjà terminé. Il y en a que 6. Il y en avait un de jeu de mots, mais ça marche pas avec Dani. Ça marche avec Isa. Oui, alors j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, c'est trop facile. Tout, je sais que tu aimes bien le faire en boucle, ouais. Celui-là. C'est donc... Anthony Lapage. Je vois, il cherche. Attends, mais quoi, là... ouais, Isa. Sans rapport avec une marque de voiture. Tu ah prends oui, non, mais le Kadjar. Oui. Le Kadjar à Isa, ça marche. Voilà, c'est Isa Kadjar. Voilà. Bon, et maintenant, nous allons passer dans la partie fuck, la foire ultra questionnée. Donc, également, naturellement, autre jingle. Attention, dans le chat, ils le savent, c'est le moment où il faut peut-être pas être sur haut-parleur. Et c'est le sourire en plus. Parce que ça peut prêter à confusion. Et le son est très fort en plus pour ce coup-là. Donc, en plus. Allez, vas-y, fuck-moi. Allez, fuck-moi. La foire ultra questionnée, c'est tes questions et on y répond tout de suite au hashtag fuck. Je voulais voir la tête d'Anthony. J'adore. Alors normalement, ça vient plus tard, mais ces rubriques, c'est plus de 23 heures, normalement. D'accord, c'est pour ça. Quand les enfants sont couchés. Voilà, quand les enfants sont couchés. Allez, je reprends du coup quelques questions. Eh bien tiens, pensez-vous que l'accident d'Antonelli pourra lui desservir dans le futur, moralement, quelque chose qui a été demandé pour tout ça? Loïc, je vous vois tous faire un non ferme. Non, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. La preuve, il vient d'être officialisé. Et puis de deux, c'est... Alors, c'est sûr que ça fait toujours un peu tâche, hein, c'est toujours malheureux, mais c'est des choses aussi qui arrivent. Et moi, d'ailleurs, si je peux me permettre de donner mon avis, parce que je sais que ça a pas mal fait des débats sur les réseaux sociaux, mais moi, je trouve ça cool que Mercedes ait choisi Antonelli, parce que je trouve ça cool aussi que Mercedes ait en 2025 deux pilotes de l'Académie Mercedes. Mm. Je trouve que ça donne du sens, en fait, à leur programme de pilotes. Et ouais, pour moi, c'est une suite logique des choses. Alors après, je pense qu'en plus qu'avec Toto Wolff, Antonelli, il aura vraiment tout le temps de s'épanouir chez Mercedes parce que Toto Wolff, il sait que c'est son protégé. C'est un peu comme George Russell. Et je pense qu'il est vraiment dans la bonne équipe pour bien progresser et bien prendre ses marques en F1. Donc moi, je suis plutôt optimiste pour Antonelli. C'est dingue. C'est moi, je trouve ça quand même assez fou qu'on laisse la chance comme ça, si jeune, à un pilote dans une équipe comme Mercedes, tu vois, il y a quelques années. On n'aurait jamais pensé ça. Moi, j'aurais pu penser qu'on le mette chez Williams. Voilà, ça, c'est logique. Tu vois, l'académie qui peut se permettre de se développer. Là, le mettre chez Mercedes, je suis d'accord avec toi, hein, Loïc. Je pense que ça sera un bon environnement pour lui. Mais c'est assez fou de se dire qu'il a grillé les étapes beaucoup plus que Russell, qui a dû patienter, Ocon, qui n'est jamais allé chez Mercedes. Tu vois, ce n'est pas forcément un bon signal pour les autres aussi. Maintenant, je pense que c'est un vrai talent. Et même s'il n'est pas champion de Formule 2, il a montré des choses cette année où dès qu'il avait la possibilité de faire quelque chose, il l'a fait, mais vraiment avec la manière. Quoi. Justement, c'est pour ça que moi, je pense que, pour rebondir là-dessus, c'est le côté vrai talent qui fait qu'avec ce genre de pilote, malgré l'âge qui soit, c'est un bébé hein, en fait, hein, tu le vois rien qu'à sa tête, je pense que c'est vraiment ce côté vrai talent où tu te dis, ouais, lui, tu sais que tu peux quand même prendre ce risque-là. Gazou ? Et surtout, Toto Wolff s'offre une mise en scène médiatique extraordinaire et surtout un coup de poker qu'ils n'ont pas fait à l'époque de Verstappen parce qu'ils avaient le même cas quand Verstappen sont venus frappé à la porte de Mercedes juste après avoir eu la première offre de Red Bull, ils se sont dit on va aller toquer chez Mercedes, savoir ce qu'ils nous offrent. Sauf que chez Mercedes, à l'époque, en 2014, il y avait Hamilton et Rosberg, donc c'était troisième pilote, rien. Mercedes ne pouvait pas. Mmh. Et Toto Wolff, quelque part, rageait un peu parce qu'il a suivi Max Verstappen. Il savait que, évidemment, c'était un talent générationnel. Donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? On est dans une phase de transition. Mercedes, on ne va pas se mentir, il vise 2026 plutôt que 2025. Donc oui, Russell, après 3 années passées chez Williams, il était enfin temps qu'il soit titularisé chez Mercedes et ils ont eu la bonne occasion pour le faire. Mais là, ils se sont dit, bon, ben, ça fait quand même aussi longtemps qu'on finance la carrière d'Antonelli. Donc pourquoi on ne s'autoriserait pas aussi à le faire et prouver que nous aussi, nous avons une belle académie et on peut vraiment promouvoir un pilote en faisant le grand saut, même si, effectivement, tu n'as pas le titre. Verstappen arrive en F1, il n'a pas de titre en monoplace. Hein. Il arrive juste avec son énorme... C'est ça, il arrive avec son énorme palmarès de karting. Alors si, il avait 10 victoires contre 9 à Ocon, mais il finit quand même troisième du championnat. Mais bon, Enfin, je veux dire, il était prêt, tout le monde le savait, tout le monde l'avait vu, etc. Ça faisait absolument aucun débat là-dessus. Donc, si Mercedes dit Antonelli est prêt, oui, Antonelli est prêt. Voilà, d'autant plus que... Oui, je pense. Maintenant, le problème, c'est qu'il va faire des erreurs qu'il aurait peut-être faites dans des junior series et il va les faire en Formule 1. C'est ça le souci. Alors, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, en fait. Je crois qu'il a parlé de ça et a dit que, justement, oui, ça allait être plus visible que s'il les faisait en junior ou chez Williams, par exemple. Mais que eux, ils étaient prêts à prendre le risque et à assumer le fait que, oui, voilà, il va forcément faire des erreurs. C'est normal. Ils ont été pris au dépourvu par Hamilton, surtout parce que le plan, c'était 2026, Anthony. Mais oui, bien sûr. Et je trouve qu'en plus, si je peux me permettre, il arrive aussi à la bonne période, et aussi pour George Russell, parce que je trouve vraiment que Russell, il prend une épaisseur de leader au fil des mois. Et moi, j'étais très confiant dans la capacité de Russell à devenir un jour le leader de Mercedes. C'est pareil, t'as envie... Tu sais que le jeune, il a la tête bien faite et tu as envie de voir ça, quoi, de voir la suite logique des choses. Mais je trouve que vraiment, là, au fil du temps, il prend vraiment ce côté... il a un côté très calme, très un peu flegme britannique. Et vraiment, je trouve qu'il prend vraiment de l'épaisseur en tant que leader. Et je me dis que pour Antonelli, ça peut être un bon repère. Donc, moi, pour moi... Sacrée référence. Loïc, 12 à 4 en qualif face à Hamilton. Ouais, mais alors personne n'a jamais fait ça. Et Hamilton, et avant, il y a eu du Rosberg, du Alonso, du Button, enfin, ouais. Bottas aussi, salut. Mais Hamilton, voilà. Très lucide aujourd'hui, il a été en colère contre lui-même. C'est-à-dire que sa déclaration, il a dit c'est inacceptable, mais en gros, c'est inacceptable ce que je fais en ce moment, enfin, en qualif. Je trouve que Hamilton aussi, c'est un truc qu'il faut lui rendre hommage quelque part. C'est que le gars, il a toujours une lucidité sur lui-même depuis des années. Où le gars, par exemple, quand il merde, il le dit, il assume. Point. C'est fini, on passe à autre chose. Et ça, c'est la marque de très grands champions. Oula. Loïc, tu dis que Russell, effectivement, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'espère juste que... Qu'est-ce que c'est que ça, Gazou? Qu'est-ce qui se passe? Il a démarré le moteur, là. Ouais, il y a le moteur... le nouveau moteur Alpine qui a démarré, chez toi. Pardon. Il n'y a pas que les jingles qui ont saturé aujourd'hui. on m'entend mieux? Ah oui, ça sature d'un coup, là, je sais pas ce qui se passe. Ça sature encore. Ah, mais je pense qu'il doit avoir le contrôle du gain qui doit être géré automatiquement dans ton logiciel. Attendez. Bon, j'en profite pour répondre à Angelica. C'est une saison qui a été annoncée pour Antonelli. Donc, il y a encore le projet, j'imagine quand même, selon ce qui va se passer avec Antonelli, de prendre Verstappen ou non pour 2026. Bon, après, en même temps, tu peux difficilement t'asseoir sur Verstappen si Verstappen toque à ta porte. On est d'accord. On se rappelle de l'effet Magnussen, alors je ne compare pas Magnussen et Antonelli, mais quand même, McLaren fait venir Magnussen, enfin dégage Perez pour faire venir Magnussen en 2014, et dès qu'Alonso est libre, eh ben, on regarde Magnussen et c'est lui qui... Alors théoriquement, c'était Button qui devait sauter, mais à la dernière minute, le board a dit non, on dégage Magnussen pour faire chier Ron Dennis. Mais voilà, c'est à peu près le même effet où Magnussen, enfin... Il faisait pas une mauvaise saison, hein, en vrai. Et là, ça l'a cassé, je pense. Il a commencé par un podium, quand même. Ouais, il commence... Et quand on regarde bien, vraiment, sa saison, McLaren était... Enfin, tombait de leur arbre comme pas possible. Hein. C'est, on rappelle que 2012, ils jouent les deux titres, quoi. Et Magnussen, il montre tout de suite une grande rapidité. Et après, ça se casse la gueule. Forcément, tu ramènes un gamin. Première course, fait le podium. Et qu'après, course d'après, il se retrouve 7-8e, là, tout de suite, il tombe de haut, donc il veut en faire encore plus, il fait des erreurs. Mmh. Il nous a fait du Magnussen, hein, à faire plein de conneries, tout ça. Et ouais. Forcément, ça a cassé sa réputation, mais si on regarde le dernier quart de saison, il commence à être dans les temps de Button régulièrement en qualif, en course, tout ça, donc c'était pas absurde de le garder. Quoi. Ouais, non, moi je trouve pas non plus. Ouais. Je crois qu'il y a cette pression sur les jeunes aussi, c'est vrai, hein, dans le chat je lis, hein, on a fait confiance à Hamilton, c'est assez rare quand même de faire confiance à un rookie. McLaren l'a fait deux fois, c'est vrai, en 2007 et en 2014, mais bon, voilà, je suis assez surpris quand même à cette période-là qu'on fasse vraiment débuter un jeune comme ça si rapidement. Justement, Anthony, toi qui forcément suis de très près les catégories de promotion, j'ai envie de te poser, de te mettre au défi. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre quelqu'un justement quelqu'un qui regarde juste la Formule 1, qui va brièvement regarder les résultats de F2, mais sans plus, et à qui on dit bah, c'est Antonelli en F1 l'an prochain, il regarde rapidement, il n'y a rien dans son palmarès qui fait envie. C'est, enfin, aux yeux d'un néophyte, c'est, on se dit il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, faudrait. Comment convaincre ? Tout simplement. Ah, Si c'est juste sur le cas Antonelli ou si on fait plus globalement. Bah, je veux dire le cas Antonelli, mais tu vois, on peut l'étendre à Berman, par exemple. Pareil, Berman, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Certains se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Cette saison en F2, c'est décevant, il n'y a rien. Même Colapinto, en un sens, là, il arrive, il y a plein de « Ah, c'est un nouveau sergent », tout ça, alors que, bon, sans le mettre au niveau de Berman ou d'Antonelli, il y a aussi quand même un certain potentiel, mais... Peut-être pour rester sur le haut du panier, sur ces deux, trois cas-là, qu'est-ce que toi, tu pourrais mettre en avant pour justement rationaliser, contrebalancer ces arguments-là, bah, en fait, cette perception. Si tu veux, je trouve que dans les séries inférieures, donc F3 ou F2, alors plus F2 quand même, il y a la gestion du trafic, il y a la gestion des pneumatiques, la gestion des arrêts au stand aussi. C'est un vrai apprentissage. Alors ok, tu peux ne pas y arriver sur la longueur d'une saison, mais je crois que tu apprends beaucoup en fait en tant que pilote de Formule 2. Et je pense que si tu mets la moitié du plateau de Formule 2 en Formule 1, ça risque de faire de bonnes performances. Si tu veux, c'est pas un hasard qu'on voit Colapinto, il a tout de suite été plutôt pas mal du tout. Il s'est bien adapté. Alors, ok, c'est Monza. Je pense qu'il va falloir le voir quand même dans les... Parce que c'était pas un cadre chez cadre non plus, Colapinto. Il sait faire après, des bons résultats. Après, il se prend Singapour et Bakou. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ça se passe si bien que ça et que l'idylle soit pas de courte durée pour lui. Mais bon... C'est pas grave. Non, pour Antonelli, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en fait, il faut vraiment regarder certaines courses où il y a eu des faits un petit peu différents. La pluie, par exemple, ou le côté où il doit gérer des pneus de façon différente par rapport à ses adversaires. Et là, il a su le montrer à chaque fois. À Silverstone, il s'impose, mais avec la manière. Et puis, en Hongrie, il réussit à faire fonctionner une stratégie malgré des safety cars. Tout le monde dit, oui, il a été aidé. Non, il n'a pas été aidé. Au contraire, il y en a un qui le met dans le jus et puis l'autre qui le replace un peu dans la fenêtre. C'est sur ces coups d'éclat-là. Je dirais que des pilotes de Formule 2 comme Théo Pourchaire, comme Drugovic, comme Piastri, voilà, ils ont montré qu'ils savaient construire une saison. Et OK, il n'y a peut-être pas eu de coups d'éclat à chaque fois, mais ils ont été capables... quand on leur a demandé de répondre présent et de s'imposer, de le faire. Donc voilà, c'est plus ça, moi, qui m'importe quand je vois des saisons de Formule 2. Après, il y en a certains qui sont là et tu ne sais pas ce qu'ils font là, hein, clairement. Mais la Formule 2 prépare bien, peut-être même plus que la F3, parce que la F3, c'est encore un petit peu de la loterie, hein, je trouve. Loïc ? Oui, pour compléter les propos d'Anthony, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que moi, par exemple... c'est vrai que ces dernières années, je suis vraiment à fond le MotoGP et les catégories inférieures. Et j'ai envie de prendre l'exemple de Fermín Aldeguer qui a signé déjà chez Ducati. Quand tu regardes la saison d'Aldeguer brute, qui est donc en Moto2, tu te dis waouh, mais est-ce qu'ils l'ont pas signé un peu trop tôt ? Parce que le gars, il est cinquième du championnat, il fait des petites erreurs, tout ça. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois que le mec, il est bien câblé en fait. Il a déjà dans sa mentalité le petit truc qui te dit ouais. Lui, si tu le mets en MotoGP, ben, on va pouvoir vraiment faire quelque chose de pas mal parce qu'il a le talent, il a une bonne mentalité, il sait construire ses courses quand il le faut, etc. C'est sûr que les erreurs, tu en fais obligatoirement parce qu'il y a des moments aussi où tu es un pilote, tu veux savoir tester ta limite, tu veux savoir jusqu'où tu peux aller, tu te construis par rapport à tes erreurs aussi. Mais je trouve que, tu vois, au-delà du palmarès, des victoires, tout ça, moi, c'est vraiment les... voir vraiment l'attitude du pilote de manière globale. Et ça me fait penser, par exemple, en Formule 1, à l'époque où on se disait, ouais, Nico Hülkenberg, il éclate tout le monde en formule de promotion. Il arrive en Formule 1 et on a vu ce que ça a donné. Et l'exemple inverse, je rebondis sur le MotoGP, Quartararo... On lui a jamais donné la voiture. Quartararo, en MotoGP, la fois, le jour où il signe en MotoGP, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais le mec, il a rien montré dans les catégories inférieures, tout ça. Parce qu'il y a eu cette critique, hein. De se dire Quartararo, ouais, il a jamais gagné de titre, machin, il a fait juste 2-3 victoires en Moto 2 et tout, voilà. Bah, la preuve, le mec, il a terminé champion du monde de MotoGP à la fin. Donc, c'est vraiment le. En fait, il y a le résultat, oui, c'est important parce que les résultats, au bout d'un moment, il faut quand même aller les chercher. Mais quand tu es dirigeant d'équipe, je pense que tu regardes déjà surtout si ton pilote, il est vraiment bien câblé et s'il a vraiment cette capacité d'adaptation aussi à l'environnement d'au-dessus, quoi. Je pense que c'est d'autant plus le cas depuis 2 ans, je dirais, en F2, où Je trouve que les résultats de la Formule 2 ne démontrent pas forcément le niveau de chaque pilote et l'ensemble de... Enfin, comment dire en fait, je trouve qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte en Formule 2 qui sont tellement indépendantes des pilotes et qui viennent jouer sur leurs résultats, que ce soit la mécanique désastreuse de Mechachrome, que ce soit le fait que tu aies un gap monumental entre les pilotes qui jouent les hauts de tableau et ceux qui sont tout en bas, qui pour la plupart qui sont en bas payent leur place et n'ont pas forcément le niveau pour être là. T'en as qui ont sauté des étapes, par exemple, il y en a qui ont sauté l'Africa, qui moi je trouve est une étape indispensable pour former un pilote. Ce qu'ils font qu'ils arrivent en F2, c'est des têtes brûlées, ils mettent des grands coups de volant, ça ne prend pas la notion de la taille de sa voiture et ça va créer des accrochages, des crevaisons, ça va péter des ailerons, ça va faire tous ces trucs-là. Et au final, un pilote qui... on peut prendre le cas de Martins l'an dernier. Martins l'an dernier, sa première moitié de saison, elle est ruinée par mécanique, accrochage et des trucs comme ça. Ouais. Alors il y a quelques erreurs à lui aussi, mais ça, bah, t'es en F2, c'est normal que tu fasses des erreurs. Hein. C'est l'apprentissage. Voilà, t'as entre 18 et enfin, entre même 17. Enfin, il y a un moment, voilà. Lewis Hamilton aussi se met dans le mur des fois. Hein. Oui, voilà, donc c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais il y a eu énormément de bris mécaniques pour Cher. Il y a une année aussi. Ah ouais, c'est clair. 2022, aussi, normalement, c'est pour lui. Hein, voilà, où, tu vois les emmerdes mécaniques qu'il a, tu dis mais c'est pas possible. Enfin, il a été maudit quoi. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte et je trouve que d'autant plus cette année et un peu l'an dernier aussi, regarder le classement et dire ah ouais machin il est premier donc c'est qu'il est le meilleur et ah ouais lui Berman en F1 là mais il est 12 ou 13e pourquoi il vient en F1, c'est pas représentatif du coup. Non, je suis d'accord, mais des fois ça crée des problèmes aussi parce que si t'es pas dans la bonne équipe la bonne année, en fait, tu peux rien faire, quoi. Tu vois, c'est aussi... C'est là où je trouve que les équipes de Formule 1, elles, ont une bonne mentalité, entre guillemets, mais d'avoir cette mentalité de connaisseur et d'analyse, que de voir que un mec qui finit 15e, il finit pas forcément 15e parce qu'il est mauvais. Il peut finir 15e parce qu'il a eu un problème mécanique, parce que son équipe a fait une stratégie bidon, parce qu'il s'est fait accrocher, et comprendre que ok, il finit 15e, mais s'il avait été mauvais, il aurait fini 20e par exemple, ou 25e en F3. Oui, ou il n'y aurait pas eu ce coup d'éclat, ouais. Ouais, voilà, le seul truc qui m'embête, c'est que, tu vois, pour prendre l'exemple de Théo Pourchaire, on lui a demandé de faire une troisième saison, on lui a demandé de gagner. Il gagne, ok, il a la pression, il ne veut pas faire d'erreur, donc du coup, il est un peu sur la défensive à quelques reprises, parce que s'il foire le titre, c'est fini. On oublie aussi juste qu'ils n'ont pas le même âge, hein, les pilotes. Lui, il est super jeune, il a fait une saison de F3. Bon, il a fait quelques erreurs dans sa première année en Formule 2, mais après... Pour le cas pour Cher, on en a déjà parlé ici en live, et pour en avoir parlé avec Percy, on était assez d'accord. Pour le coup, lui, sauter l'Africa, je pense que ça lui a fait énormément de mal. Enfin, ça lui a fait prendre du retard, en fait, sur son apprentissage, je trouve. Et les erreurs qu'il a fait sa première année auraient peut-être été soit différentes, soit il ne les aurait peut-être pas faites. Alors, il en aurait sûrement fait d'autres, hein, mais il n'aurait pas fait celle-là. Parce que voilà, il a sauté l'Africa et comme tu le disais, la F3 c'est très brouillon, c'est beaucoup la loterie. Ouais. Et je trouve que l'Africa, avec le fait que les châssis c'est des bateaux, c'est inconduisible, les pilotes le disent, c'est une horreur à conduire. Mais ils cherchent à forcer la bataille avec le push-to-pass, avec mine de rien quand même des voitures qui peuvent rouler en peloton. Beaucoup plus qu'en F3 je trouve, où en F3 les premières manœuvres ça va vite être un coup de volant, un accrochage, un bout d'aileron qui vole et le fait que tu aies ce besoin de te montrer, de doubler, etc. devant la Formule 1, parce que la F3 suit la Formule 1, ça rajoute encore quelque chose qui pousse les pilotes à faire des trucs cons qui feraient peut-être pas en fréca là où t'as 40 mecs qui regardent le live YouTube quoi. Bon, j'abuse, mais c'est un peu ça, quoi. Une question. Bon, on va... Oui. C'est quand qu'on arrête de bosser avec Mechachrome en F2, en F3, et même chez Alpine Il peut pas répondre, Quand est-ce qu'il coule Strigo ne peut rien dire. Ouais. c'est non non. Il y a des accréditations qui peuvent sauter après, donc voilà. Non non, on va rien dire. J'ai rien dit. Non mais alors, vous savez, terminer la date, je resterai indépendant. Je resterai indépendant jusqu'à ma mort. Ok, mais quand même, je prends pas de risque. Voilà, c'est ça. Je vais pas recevoir de MP menaçant. Alors, j'ai compris. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je me ferais menacer ? Alors, c'est une vraie interrogation, parce qu'ils ont quand même du savoir-faire. Je veux dire, Mechachrome, ils montent des moteurs pour l'aviation, etc. Moi, je connais pas mal de gens qui y bossent. Ils font du bon boulot. Je ne comprends pas pourquoi il y a des soucis comme ça à ce niveau-là. Non, mais c'est... de fiabilité. Peut-être avec Dallaras, peut-être c'est juste qu'il y a un problème. Ouais, peut-être le moteur ne fit pas correctement dans la voiture. Gazou, comment qui fait que... Ou les vibrations, je ne sais pas. On était accrédité à Monaco. On n'a pas vu beaucoup d'ingénieurs Mechachrome sur place. Merci Gazou. On va s'en arrêter là. Non, après, voilà, c'est vrai que c'est un cas très délicat à évoquer et je connais des gens qui ont voulu parler et ont dit « Ah, c'est pas normal !» et qui ont reçu des messages en disant « Ah, ce serait bien que tu reviennes sur ce que tu as dit, s'il te plaît, parce que on aimerait continuer à te donner des accréditations et à te faire venir, donc si tu pouvais éviter de dire ce que tu as dit, ce serait bien. » Et donc, voilà, on évite de parler de Mechachrome. Je pense que c'est pas trop un secret non plus, mais c'est beaucoup de politique aussi à ce niveau-là. Il y a des relations entre la F2, enfin la structure F2-F3 et Mechachrome. Mm. T'as des contrats qui sont signés. Il y a même des prises d'actions. Enfin, il y a des actionnaires. Oui, voilà. Et le fait qu'ils travaillent ensemble n'est pas uniquement parce que la F2 se dit c'est le meilleur moteur pour nos bagnoles, on va aller chez eux. Non, il y a pas. Non. Mais bien après, sûr. Cette année, il y a moins de problèmes. Il y en a toujours. Il y en a quand même. Oui. Beaucoup de calage, j'ai l'impression, de voiture. Oui, alors ça a toujours été le cas en F2. Mais ça, je sais pas. Je pense que c'est l'introduction du turbo qui a dû faire ça. Je sais pas, mais ça fait quelques années où c'est très souvent le cas où en F2 ça cale beaucoup par rapport au. Ouais, j'ai trouvé parce que je crois que 2018 ça calait tout le temps. Là, t'as l'impression et même des pilotes qui sont expérimentés se font piéger et pas que sur un type de circuit en particulier, tu vois, parce que je me souviens on en a parlé avec Guillaume là. Crash 71-100, qui me disait « Ah oui, mais en Autriche, c'est normal, parce que c'est en montée. » Bah oui, mais ça a calé aussi sur des circuits plats. Je me souviens, Bahreïn, il y a une année, Bahreïn, où ils étaient 4 ou 5 à caler sur la grille au départ. Quoi. Et c'est pas d'étanche. Et ça se joue aussi. Alors, tu vois, le championnat se joue aussi là-dessus. T'as un Malonnais qui va perdre des points de façon idiote là-dessus. Son championnat, il est quasi mort. T'as Isaac Hadjar qui a perdu aussi des points pas mal avec la fiabilité. Enfin, c'est compliqué. Hein. Les académies alors, des pilotes ont gueulé ou pas ? Voilà. Pour rester plus ou moins dans. Gazou, on avait réussi à contourner là, putain, j'ai pas chier. Sans nécessairement aborder le thème de la fiabilité, on demande un peu comment expliquer ce qui se passe, quoi qu'on y ait un peu répondu, hein, comment ce qui se passe, expliquer ce qui se passe en F2 sur un peu le manque de la hiérarchie qui semble peut-être. Moins clair qu'il y a quelques années. Il y a quelques années. Franchement, moi, je suis pas certain. Les gens ont des souvenirs de saisons de F2 ou de GP2. Il y a quelques années, les gens disaient qu'elle était claire parce qu'il y avait un mec qui était largement au-dessus du lot, quoi. Ah oui, voilà. Ouais, mais non, mais même quand tu parles de 2018, il y a quand même 4-5 pilotes qui sortent clairement du lot par rapport aux autres, quoi. Ouais, après, t'as aussi le principe de grille inversée, ouais, c'est ça aussi qui... C'est pareil, 2018, le cru 2018 qui est monté en Formule 1, t'avais quand même une poignée de gars qui étaient vraiment pas détanche, quoi. Un qui sortait du lot, c'en était 4 ou 5, donc c'était facile de les mettre en haut, de dire, c'est tout le temps eux qui vont jouer la gagne ce week-end. Après, tu vois, par exemple, cette année 2018, t'as un Louis Delettra qui est peut-être pas dans la bonne équipe, qui est posé, garé, et au final, en fait, c'est un super pilote, ce gars-là. Donc, tu vois, il y a des moments où tu ne sais pas trop comment ça se fait. Est-ce que c'est dû à l'équipe ? Est-ce que c'est dû à de la malchance ? C'est très compliqué, en fait. Et puis, cette année, je me suis fait la réflexion, outre le fait que, jusqu'à la Belgique, on avait tous les pilotes qui avaient inscrit des points. Jusqu'au dernier du championnat, je crois que c'est du jamais vu. Avec Villa Gomez, qui en avait marqué, qui avait fait 2-3 entrées dans les points. Et on a, si ma mémoire est bonne, 14 vainqueurs différents ce qui me semble aussi être du jamais vu dans la catégorie, même pour n'importe quelle catégorie de promotion, 14 vainqueurs, c'est absurde comme nombre. Enfin, c'est absurde dans le sens, c'est démesuré, quoi. Là, ça te prouve... Ouais, en fait, c'est ça. C'est soit tu peux avoir le comment dire, la conclusion de se dire ouais, « c'est ultra disputé », soit on n'y comprend rien. C'est n'importe qui peut gagner, quoi. Bon. Attention. Il y a une des versions que tu penses et une des versions que tu dis à l'antenne, quoi. Voilà, c'est ça. Et naturellement, on sait tous que c'est la version « Oh, qu'est-ce qu'on se fait chier cette année voilà. ?» En parlant de se faire chier, Anthony... Pas mal de questions. Déjà, bon, tu sais, il y a toujours la question, c'est lequel l'enfant que tu préfères. Bon, quelle catégorie tu préfères commenter? C'est où tu t'amuses le plus? Franchement, la pétanque, l'escalade, le camion. La pétanque, j'aime bien. Non, en fait, je dis toujours la même réponse, mais c'est vrai. Quand il y a du spectacle, moi, je kiffe. En fait, ça peut être un championnat qui est peut-être un petit peu moins coté, mais si tu as de la bagarre à chaque fois et que tu as un suspense, moi, j'apprécie. Tu vois, de faire de la F2 et que ça se suive sans qu'il y ait de dépassement, je suis pas fan. Ça arrive pas souvent cette année. Non, c'est sûr que j'aime beaucoup commenter la F2, la F3. Ça, c'est clair. Après, l'endurance, franchement, le LMS, je trouve que c'est un championnat de dingue et qui est pas vraiment mis en valeur parce que c'est diffusé sur YouTube et que personne vraiment sait ce qui se passe. Mais il y a des pilotes de dingue. Enfin, je veux dire, si on voit à chaque fois, tu sais, j'aime bien refaire un petit point sur les pilotes qui terminent la course. Donc, les pilotes qui sont les plus rapides, tu as du Charles Milesi, tu as Paul Di Resta, tu as, je sais même pas, tu as plein de D'ailleurs, choses. J'ai juste de capter et de me rappeler que j'ai vécu mes premières Daytona, si je dis pas de bêtises, cette année, et justement, c'était avec Emmanuel Moine et toi, pendant la nuit. Donc, j'avais pas particulièrement suivi, et puis j'ai rejoint des amis sur un serveur Discord qui regardaient, et justement, vous étiez à l'antenne, et j'ai gravement apprécié vous avoir tous les deux, parce que c'était de la bonne discussion tranquille, et puis en même temps, j'apprenais vraiment des choses, je suis pas vraiment l'endurance, mais quand il y a des gros événements, j'essaye quand même de les regarder, oui, tout ça. Donc, voilà. Et plus ou moins dans la même veine, alors celle-là, j'ai vu que tu l'as vue sur X. Enfin, Gazou, s'il te plaît, tu peux le dire X. Que je l'ai vu sur X. Oui, merci Gazou. Daniel qui demandait, entre les commentaires, les podcasts et autres activités, arrive-t-il Anthony Drevet de rentrer parfois chez lui? Est-ce qu'il a quelqu'un pour gérer son emploi du temps? Alors non, et justement, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui gère mon emploi du temps. Si jamais, voilà, il recrute. Voilà, exactement. Non, c'est... Il y a des périodes... là-haut. Demain, par exemple, ça va être une journée chargée. Ça c'est sûr, parce que avec la Formule 3, la Formule 2, avec la Porsche Super Cup, le secours de la Formule 1, c'est-à-dire que je serai devant le Grand Prix de Formule 1 et s'il y a un problème, eh ben je prendrai le micro. Et puis je fais le championnat du monde d'endurance de la FIA demain soir sur Eurosport, donc ça va faire une bonne journée. Ça va être bien chargé. Et puis à côté de ça, c'est vrai que j'ai les podcasts, donc Trajectoire. Et puis, j'ai aussi une émission avec Geoffroy Barre, le rédacteur en chef d'Endurance Mag, qui s'appelle Endurance Club. Donc, c'est vrai que ça commence à être un peu chargé. Mais pour l'instant, ça va. Oui, bon, bah tu t'amuses. Et justement, dans les questions, on demande... Vas-y, merci. Faites des vues pour le chat. On demande, est-ce qu'il y a eu un souvenir particulier, enfin que tu chéris particulièrement d'une course, d'un événement que tu as grandement apprécié commenter. Qui t'a marqué. C'est intéressant. Genre, par exemple, je suis sûr que si je demande c'était qui Julien Febvreau et Romain Grosjean sur Canal, Grand Prix de Spa 2021, je suis sûr c'est un grand moment pour eux. Ah, évidemment. Des grands moments comme ça, j'en ai connu aussi. Hein, des courses sous safety car, des courses sous la pluie. Où tu sors le catalogue Ikea et tu commences à meubler. Parce que tout le monde, si tu veux, a encensé, à juste titre hein, d'ailleurs, le moment où justement il ne s'est pas passé grand-chose à Spa. Mais comme c'est la Formule 1, tout le monde l'a vu. Moi, le nombre de courses où j'ai dû meubler, parce que je ne faisais rien, dire que j'en ai fait pas mal. Non, meilleur moment. Ah, c'est une bonne question. J'en ai commenté tellement en même temps des courses. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, tu vois, j'ai pas préparé, mince, j'aurais dû préparer. Ah bah oui, alors... non, mais ça, c'est du spontané, là. Ouais. Non, je pense qu'une course de LMS qui s'est terminée, c'était laquelle, attends, qui s'est terminée avec très très peu d'écart, je crois que c'était une course au Paul Ricard, il me semble, il y a 2 ans, mm-hmm. où vraiment, ça s'est joué à rien du tout, il y avait des changements de leader à chaque fois, ça, c'était un kiff à commenter. Après, j'ai commenté aussi, et j'ai beaucoup aimé le ski alpin. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le sport américain. Non, mais voilà. Mais tu vois, j'ai eu des victoires de Michael Achifrine en ski alpin. Waouh, c'était incroyable. Quand t'as un peu l'impression de vivre l'histoire, je pense que ça te marque aussi, tu vois. Par contre, j'ai eu un très mauvais souvenir, mais ça m'a marqué aussi. C'était Pocono 2018, quand Robert Wickens s'enroule dans les grillages. Je peux dire que là, le meublage après, j'ai eu 2 heures à combler. Et tu sais pas si le gars est en forme ou pas en forme. Là, c'était dur. Franchement, là, c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, tu vois, j'ai autant de très, très bons souvenirs. Tu vois, la NASCAR, par exemple. Pareil, NASCAR, incroyable. Tu vois, quand alors, tu oui, attention, on demandait, c'est là ou là ? On n'a pas osé regarder sous la... là. C'est la NASCAR. Donc voilà, non, il y a plein de moments. C'est vrai que si j'y réfléchissais, j'en aurais peut-être encore d'autres, mais voilà, il y a des moments intenses en fait où voilà, t'as l'impression de participer à l'histoire et c'est quand même génial quoi. Et c'est là où il faut que tu sois au rendez-vous et c'est pas toujours facile. C'est là où les commentateurs se révèlent. Tu vois, il y en a beaucoup, je trouve maintenant de nos jours, qui essayent de préparer en amont la petite phrase qui va être bonne pour les réseaux sociaux, etc. Je crois que c'est pas vraiment la bonne. Ça a été beaucoup encouragé aussi. Hein. Qu'il y a eu tellement d'événements 2020, 2021 qui ont. C'est souvent qu'on voit. Alors, je sais que par exemple, la victoire de Gasly a été beaucoup. Les commentaires de Julien ont été beaucoup partagés à l'international, mais ça a été pareil quand Leclerc a gagné avec Ferrari à Monza, les commentaires italiens. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça. Voilà, on essaye un petit peu de jouer dessus. Mais je pense, tu vois, par exemple, que autant tu peux bien commenter, mais l'événement est plus fort. Si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je peux faire un commentaire de ouf sur une course de Formule 4 italienne. Tout le monde s'en fichera, quoi. Alors que si c'est de la F1 et que tu commentes un truc qui va rester dans l'histoire, bah forcément, ton commentaire aussi va être associé à ça. J'étais trop content, première fois que j'ai commenté de ma vie un Grand Prix de Formule 1 au Hungaroring. Ça, c'était génial quand même. Cette année, là ? Ouais, cette année. J'étais sur C8. D'accord. En plus, mon instant lèche-cul, j'ai fait regarder C8 à Canal. Merci. Je n'étais même pas au courant que ça passait sur C8. Pour une fois qu'ils mettent la formule en clair, justement, c'est vrai que... Moi, il n'y a que quelques semaines. Moi, je ne peux pas faire le lèche-cul parce que je vais lancer le sujet que Strigoun t'a lancé en off, qui commence par F1 et qui finit par TV. Mais ça, c'est... C'est malheureusement des questions purement pécuniaires. Ne le mettons pas dans la merde quand même. Non, ne le mettons pas dans la merde. Mais en vrai, je sais pas. Non, mais regardez, je fais des tops à mon chat. Donc voilà, ça compense. Voilà. Par contre, Anthony, c'était ta première, la première fois que tu commentais de la Formule 1, du coup, cette fois-là. En fait, à chaque fois, tu sais, je disais, maintenant je peux plus le dire, du coup, j'ai commenté toutes les catégories de sport mécanique, sauf la F1. C'est vrai, tu peux me demander n'importe quoi. Ah mince, tu peux plus le dire, t'as vraiment pas de bol. Je peux plus le dire. Mince, ah vraiment, la poisse. Ah là là, est-ce que t'as commenté Mario Kart ? Parce que ça aussi, il faut en parler. J'ai commenté du Mario Kart, là, bien sûr, ça m'est arrivé. Sur un stream, alors je ne sais plus lequel, c'était plusieurs courses qu'il fallait commenter, donc j'avais commenté ça, j'ai même commenté du breakfast, commenté des courses de cartes, bien sûr, j'ai commenté des courses, tu sais, après coup, j'ai regardé les scripts que j'avais commentés en 2015, 2016 et tout, et je suis retombé sur des Bortoletto, sur des Sargent, c'est incroyable quand même, tu vois, j'ai commenté des courses comme ça, où tu avais des pilotes finalement de talent. Après, je suis super content d'avoir commenté le titre d'Esteban Ocon, tu vois, par exemple, j'y repense, tu vois, à force d'en parler, la Formule 3 sur Motors TV en 2014, c'était un truc de dingue, quoi, franchement, voilà, tu vois, avec le recul, c'est génial, j'ai quand même commenté le titre d'Esteban Ocon et de Théo Pourchaire, bon, je suis pas peu fier. Ah mal, hein. T'as lancé le sujet, il y a plein de gens qui demandent, c'est quand qu'il vient en F1, Théo Pourchaire ? Je me le demande aussi. Non, j'avoue que je ne comprends pas. Alors oui, il y a une question de finance, mais l'Académie Sauber a financé plusieurs saisons de Théo. J'avoue que je ne sais pas la raison pour laquelle il n'est pas au moins testé à juste valeur, si tu veux, avec un autre pilote. Bon, après, ça ne serait pas gage d'être sélectionné, hein, parce qu'on l'a dit en ouverture, quand tu as un Guanyu Zhou qui apporte je ne sais plus combien de millions d'euros, bon, bah, tu ne fais pas non plus le poids. Donc, en fait, ça dépend dans l'équipe dans laquelle tu signes. Parce qu'une équipe comme Stake Cash, là, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est Kicksober, le nom du constructeur. Et l'équipe, le nom de l'équipe change à toutes les courses en fonction des lois en vigueur dans le pays. Ah voilà, c'est ça. À cause de Stake, voilà. Et donc, si tu veux, là, tu t'en fiches en fait d'avoir tel ou tel pilote. Il vaut mieux que tu aies un pilote rempli de, enfin, avec des mallettes remplies. Si tu es dans un top team, il vaut mieux que tu aies un pilote qui puisse t'apporter des résultats. Là, le problème de Théo, c'est qu'il n'a pas la possibilité de montrer comme l'a fait Berman, hein, parce que le Grand Prix qu'il fait à Jeddah. Bon, ben voilà, mais s'il n'a pas l'opportunité de la faire, il peut pas montrer son talent. Ouais, bien sûr. Il signe aussi facilement chez As, je ne sais pas. Ouais, mais c'est vrai que bon, après, ça c'est une question aussi de timing. Hein. Là, on voit. Non, on ira en IndyCar. Et là, en l'espace de quelques semaines, hein, on a plus ou moins l'officialisation de trois jeunes de. Ah, monsieur Vedet, gourmandise. on a eu l'officialisation de trois jeunes de F2 en F1, quoi. Alors, Colapinto, c'est. Voilà, c'est. Provisoire, mais quand même, la dernière fois, il faut remonter 2021. Et quand on regarde, ça fait à peu près tous les 3-4 ans qu'on a quelque chose comme ça qui arrive, quoi. Donc, c'est vraiment qu'une question de timing. Hein, si, comme on dit, est arrivé 2 ans plus tôt ou 1 an plus tard. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut malheureusement pas prévoir. Hein. Idem pour le pauvre Felipe Drugovic, Là, tu sais, tout à l'heure j'en parlais et hop, on le voit dans la voie des stands avec la petite chemise Aston Martin. Oui. Lui, c'est pareil, tu vois, franchement, au moins l'essayer. Je dis pas que c'était un crack. Moi, je pense pas. Alors, je vais me tirer une balle dans le pied. Il a fait une saison de dingue, il a dominé en 2022. Je pense pas que ce soit le crack intergénérationnel, tu vois. Maintenant. Non, bien sûr que non, mais ça reste un champion de F2, quoi. Après, le cas Drugovic est très particulier parce qu'il est chez Aston Martin et qu'il y a le fils du patron. On est d'accord. Et de ce que j'ai compris, Aston Martin, ils encaissent un petit chèque pour la cantine pour qu'il ait le droit d'être pilote de réserve. En parlant du fils du patron. Non, rien. On va encore me dire que Joker, tu poses des questions de trop. Alors, non, t'a posé. il y a encore plus drôle chez Aston Martin, c'est que quand il recrute Drugovic, il crée dans la foulée l'académie des jeunes pilotes pour un juste d'être titré et qui potentiellement peut arriver en F1. Mais bon, il fait partie de notre académie, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, puisque on ne va pas trop te garder, Anthony, alors qu'on a le chat qui vient de se mettre dans la boîte au cadeau. Forcément, j'aurais dû la ranger. Ah oui. C'est une boîte. Il en a plein. J'ai plein de cartons pour lui dans toute la baraque, mais non. Voilà, c'est un nouveau. comment peut-on prendre, à part personnellement, quand on était au Pourchère, de voir sur les réseaux sociaux de son écurie, le jour de son anniversaire, Robert Schwartzmann va rouler en essai libre dans la voiture. Non, alors ça, honnêtement, je pense que il a déjà montré ce qu'il... Oui, bien sûr. Ouais, il a roulé au Mexique, il a roulé partout. Enfin, pas partout, mais il a roulé quelques fois. Voilà, bon, l'équipe, elle sait ce qu'il vaut, il fait du travail au simulateur. Voilà, c'est acté qu'il ne sera pas en Formule 1. Je crois quand même qu'on peut en être sûr. Et donc, ils ont pris les quelques euros que Schwartzmann pouvait leur apporter. Tu vois, je crois qu'il n'y a pas de... Le timing était très mauvais, par contre, sur l'anniversaire. Ouais, c'est assez bâtard. c'est assez nul. Mais de toute façon, voilà, je pense qu'il le sait. Théo Pourchaire n'a pas d'avenir en Formule 1. Par contre, il a un avenir en IndyCar, je le répète. Est-ce que lui, il s'est fait à l'idée? Parce que pendant longtemps, il refusait, lui et son... l'équipe, les gens qui le géraient refusaient de croire de croire à ça. Hein. Il restait dans l'idée de non, on va y arriver, on peut y arriver. Tu veux jamais te résigner. De toute façon, tu as bien vu dans les exemples il y a quelques années, tu as même des pilotes qui, soi-disant, avaient oublié l'idée, etc. Et dès qu'ils ont eu l'opportunité d'aller en Formule 1, ne serait-ce que pour faire leur prix, de toute façon, la Formule 1 ne se refuse pas, c'est évident. Mais c'est triste, hein, parce que tu vois, je pense à Lotterer, il fait une course chez Caterham, bon, ben voilà, mais il voulait le faire. Ok, bon, ben voilà, il a pu récolter l'argent qu'il fallait pour pouvoir le faire. Alex Zanardi, qui est revenu en Formule 1 après avoir été sorti justement de la F1, il est revenu, tu vois. De Vries, qui fait de la F1 de façon miraculeuse, bon, ben ça n'a pas duré longtemps, mais tu vois, donc non, il ne va jamais s'y résoudre. Imagine, il fait une super carrière en IndyCar, peut-être qu'il peut trouver des financements, etc. Mais je crois que ça va être mal barré quand même. Puis après, est-ce que ce n'est pas un frein aussi mental de te dire non, je veux, j'ai encore ça en vue, je reste là-dessus, je veux ça. Et du coup, comme il a eu il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, fermer des portes en disant non, je n'irai pas là parce que moi, je veux la Formule 1 et... Bah, au final, tu te retrouves à être le cul entre deux chaises, à prendre une option qui n'était pas forcément celle que tu voulais et à repousser au final quelque chose qui est inévitable de aller ailleurs qu'en Formule 1. Quoi. Ouais. C'est vraiment... Après, c'est facile à dire, voilà, on est chez nous, on n'a pas du tout... Oui, mais on a raison quand même, je trouve. On n'a pas du tout ce truc de... Est-ce qu'à sa place, on ne serait pas pareil à se dire non, mais... Après, c'est vrai, parce que c'est vrai, t'es à ça. Toute ta vie, tu consacres à la Formule 1 et t'es à ça d'être en Formule 1. Est-ce que t'as pas ce truc de... Alors, je connais bien, parce que maintenant, je fais des podcasts. Donc, évidemment, tu vois, c'est l'objectif aussi de retracer des choses qui se sont passées et d'avoir des explications. Enfin, en tout cas, c'était la motivation que j'avais d'apporter des explications et de faire connaître des profils intéressants aux gens qui écoutent. T'as énormément d'histoires en disant « Oh, j'étais à ça de la F1 !» Ils disent tous ça. Ils avaient tous un pré-contrat, un machin qu'ils ont signé, etc. Ouais, enfin, si t'amènes pas l'argent derrière, t'es pas en Formule 1. Et ça, tout le temps. Donc, je pense que malheureusement, si je fais un podcast dans 15 ans avec Théo Pourchaire, c'est « Ah, j'étais à deux doigts de signer parce que Guan Yu Zhou avait pas amené les ronds, machin, etc. » Ouais, bon, bah, ils ont tous été à deux doigts. Au final, il l'a amené. Voilà. Exactement. Oui, parce que ce jour-là, Guan Yu Zhou avait oublié la carte bleue à l'hôtel, il a fait un aller-retour, il a payé, bon, voilà, ça s'est joué à rien. Et pendant l'aller-retour, Théo a pris le stylo, il était juste au moment de poser la bille du stylo sur la feuille, et Joe a ouvert la porte, comme ça, avec la mallette qui s'est ouverte, les billets sont tombés. Moi, j'ai le plan de Batman, du Batman de George Clooney, là, des années 90, où il arrive, il sort sa bat-carte de crédit. J'allais dire Batman la gueule, Robin, justement la comment ça s'appelle, tu sais, la black là, la Mastercard black. Oui, enfin la carte de crédit Batman quoi. Fin... Oui, voilà, mais même ça existe, hein, y a la carte bancaire black. T'sais, t'as la Visa première qui est un peu dorée et t'as la black qui là en vrai pour l'avoir il faut avoir un peu d'argent sur les comptes. Tu m'expliqueras comment t'es au courant de ça. Bon, il est cadre. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Dernière question, Anthony. Oui. Comment qu'on peut t'écouter plus ? Voilà. Non, mais déjà, je saoule tout le monde. Il ne faut pas m'écouter plus. Ah oui, mais bon. Non, qu'est-ce que... Où t'es payé en visibilité, hein ? Ben, c'est ça, exactement. Non, tu sais, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si c'est si bien que ça, tu vois, d'être beaucoup, beaucoup exposé. Moi, évidemment, quand j'ai des opportunités, je peut difficilement refuser. Donc, je bosse sur Eurosport. Je fais pas mal de sports différents sur Eurosport. Hein. Le tir sportif pendant les Jeux Olympiques, de la voile, du kitesurf. J'ai commenté aussi un peu de superbike en remplacement de Rémi Tissier. Je fais les Grand Turismo World Series aussi. Mais c'est en décalé, c'est pas en direct. Donc, Eurosport. Automoto La Chaîne pour les courses d'endurance, pour la NASCAR un petit peu en remplacement. Canal+, évidemment. C'est là où je bosse le plus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais donc des podcasts, trajectoires sur toutes les plateformes disponibles. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chose que je peux faire? Je suis le 24 heures du Mans aussi. Oui, bien sûr. Là, je suis sur l'application officielle du WEC, quelques reprises. Voilà, écoute, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr. Donc, et puis sur les réseaux sociaux, voilà, évidemment. Anthony. Voilà, est-ce que tu nous placerais pas le mot dithyrambique demain ? Ah, on va essayer. On va essayer. Je pense que ça va être facile. Oula. Ce chevalier, c'est génial parce que comme ça, Mick, il prend l'extrait et il colle l'extrait de canal où tu dis dithyrambique et ça fait des likes. Nickel, merci. J'espère que ça va faire des likes. Attends. Oula. Faut lui faire dire une connerie avant qu'il parte là. Mais je sais pas quoi. Oula. T'as pas assez préparé. Ah non, mais non. Nos fins de live, c'est un gazou qui se lève en disant « Allez, au revoir !» que j'ai récupéré dans un live. voilà. Bon, eh ben, écoutez le podcast Trajectoire avec un S. Oui, à la fin. Oui, pas au début, parce que sinon ça ferait Trajectoire. Voilà. Et puis, bien sûr, ça ne marche pas dans les deux sens. Donc, demain, sur Canal, pour la F3 et la F2, des favoris pour les victoires de chaque catégorie. F1, F2, F3. Ça, c'est un piège. Je ne sais même plus les grilles de F2 et F3, pour être honnête. Il y a le titre, F3, surtout. Il y a le titre demain qui se joue. Il y a le titre de F3, c'est vrai. Et on a une liste, hein. Et en vrai, grosse surprise, parce que je ne pensais pas que Fornaroli jouerait le titre jusqu'au bout. Clairement, c'est un des prétendants à la victoire qui n'a pas de victoire à son actif, mais il a fait, il a joué la carte de la régularité, comme l'année dernière. C'est le seul, hein. Aujourd'hui, c'est le seul qui n'a pas de gagné. C'est dingue. Il est sur une victoire demain pour renforcer ça. Moi je me dis que ça peut le faire. En plus, il est en Italie, il a la bonne voiture. Il est en pôle, en plus. Hein. Et il est en pôle, donc... Franchement, ça peut le faire. Et pourtant, en début de saison, tu m'aurais demandé, j'aurais jamais misé un Copec sur Fornaroli. Ouais. Et en F2, attends, Maloney part en pole. Allez, moi, j'ai envie de dire Antonelli, parce qu'il part pas si loin. Ce serait beau. Et puis, pour réparer un peu... Et la F1, notre pornostic, tu seras compté, c'est il faut donner le top 3 plus un événement, la cote de porc, ça s'appelle, un événement de course improbable. La cote de porc. Vous êtes chaud, vous. Mais bien sûr. Ah, j'avais oublié ça. Tiens, je ne me suis pas préparé. Bon, alors attends, le top 3. Bien sûr, mais c'est improvisé, attends. Bien sûr. Alors, le top 3, attention, j'ai envie de dire... qu'est-ce que j'ai envie de dire? Notre gris, c'est Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Hülkenberg, Albon, le top 10. Ouais. Allez, je vais jouer un peu. Je me dis que Norris va abandonner, donc je fais Piastri, Leclerc et Hamilton. Ouais. Ça va pas mal. Norris qui abandonne, pour moi, c'est une côte de porc. Non, mais donc, du coup, côte de porc, voilà un événement de fou. Ouais. C'est que Norris va se sortir tout seul. Et, oula, et ouais. Voilà. Tout seul en plus, d'accord. Ah oui, tout seul. Et alors, ce serait très drôle que ça arrive. Mais les réseaux sociaux seront insupportables parce que Norris, c'est un pilote qui suscite énormément de conflits. J'allais dire du cirage, mais oui. Ah oui. Non, Norris, c'est insupportable. Surtout les Anglais. Les Anglais, il y en a autant qui l'adorent qu'ils le détestent. Ah, c'est dingue. Je trouve que au niveau du pilotage, il est exceptionnel. Après, la personnalité, je ne suis pas fan. C'est pas quelqu'un qui est fait pour être à la lumière. Voilà, c'est tout. Il est mieux dans sa petite bulle. Ouais, je suis d'accord. Allez, demain, vous les acceptez comme ça. Hein. Brevet des tests Norris. Mais non. c'est comme James Vowles qui a dit on avait le choix entre deux pilotes, Colapinto, Schumacher. Aucun des deux était spéciaux. Donc on a pris Colapinto. Vowles, Schumacher n'est pas spécial. Oula. Et en plus, qu'il était obligé de s'excuser par rapport à ça. Ouais. C'est tellement ridicule. Il s'est excusé. Bon. Merci beaucoup Anthony de nous avoir consacré ces 2 heures précieux planning. Je serais resté vachement plus longtemps, j'aimerais bien revenir, mais bon, ça sera peut-être dans un an, mais j'aimerais bien revenir avec vous. Le chat il est super aussi à chaque fois, tu vois, c'est ce que je fais en ELMS, je prends le temps exprès justement de pouvoir lire le chat et d'avoir cette interaction, parce que moi je fais ce métier pour partager en fait, hein. Je suis pas oui bien sûr, mais voilà. Parce que l'ELMS tu le commentes où, sur Twitch? Sur YouTube. YouTube, ouais. Sur YouTube. Ah, sur YouTube. Ah oui, donc il y a le chat, oui. Et c'est une des épreuves où je suis en mesure d'aller sur place. Donc, c'est trop bien, je peux aller rencontrer des gens. Fun fact, quand même, avant de se quitter, j'ai rencontré Novalak pour la première fois sur un paddock de LMS, quand même, hein, alors que je commentais toutes ses courses F3, F2. Et on a parlé une heure et demie. Bah oui, mais parce qu'en fait, quand je vais sur place, moi, je peux parler aux pilotes, je peux aller leur demander leur ressenti, etc. Et voilà, bah ouais, bien sûr, c'est plus intéressant. Mais... C'est question pratique ou de budget, ou les deux? Je pense que c'est question de budget, j'imagine, hein, mais j'ai pas eu trop la réponse. Après, ils sont contents aussi, en parlant de Canal+, par exemple, d'avoir quelqu'un sur place qui, au cas où il y ait un problème, comme ce que je vais faire demain, puisse prendre la parole pour la Formule 1. Tu vois, donc, voilà, je pense que c'est ça la raison. C'est peut-être plus pratique aussi pour toi, étant donné que tu bosses dans plusieurs rédactions, de pas être en Italie, là, par exemple, ce week-end. Tu dois commenter un autre truc le soir et la pétanque le dimanche après. Déjà qu'il a dû venir dans nos studios en Italie ce soir. Studio installé au bord de piste, hein, comme on peut voir derrière toi d'ailleurs. Bien entendu, toujours. Là, on finit l'émission, on les redémonte parce que demain ils roulent. Bah, là, c'est on les a mis sur les plats vibreurs. Le plat vibreur qui est le mien, comme disait Jim Clark. Exactement. Jacques Brel, il se ressemble trop. Allez, bonne nuit et merci encore. Merci beaucoup. Bah, demain, à 8h25, je serai donc sur Canal, mais ça veut dire qu'il faut que j'y sois à 7h et quelques. Donc, bon courage. Alors. Merci beaucoup. Bye. Ça va être une bonne journée. Voilà. Ciao. Bye. Merci. Allez, merci Anthony et des bisous à tout le monde. On va te laisser raccrocher, Anthony, tu es encore dans le truc, tu fermes ton onglet ou tu appuies sur le petit truc raccroché. Oui. Et on a même un petit jingle. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, vous regardez les festivités intensément amusantes et monétairement gratifiantes. On a un jingle transition, hein, voilà. Comme ça, on a tout. On a même le retour du chat, qui est en train de dormir sur une casquette officielle F1. Donc celui qui va la recevoir, j'espère qu'il ne sera pas allergique au poils de cacahuète. J'essaierai de la laver avant. C'est un peu bizarre, dit comme phrase. Je savais pas que les cacahuètes avaient des poils. Si. Remets le générique et... Voilà. Très bien joué. Quelle émission. Quelle émission. J'ai une question. On n'était pas censé avoir un intervenant spécial ce soir? Bah, t'es là. Et t'es spécial. Ah. Si, je t'assure. T'es vraiment spécial, Gazou. Si j'existais pas, faudrait m'inventer, c'est ça? Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. Ah là là. Bon, on va essayer de reprendre un peu les questions quand même, parce que désolé, j'ai dû un peu essayer de respecter le planning pour Monsieur D. Et je vais reprendre du coup... Qui sera le prochain Français en Formule 1? Bah, ce sera moi. Non, je sais pas, Adjar, certainement. Adjar, ouais, très sûrement. Ouais. Parce que, alors, il y a un truc qui est formidable quand même, pour reconnaître, c'est qu'en France, depuis ces 10 dernières années, on produit, mais en masse, des pilotes très talentueux. Oui. Là où... Oui, mais... Les autres... Voilà, c'est oui, mais... Mais voilà, quand tu compares aux autres grandes nations du sport en Formule 1, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, il n'y a plus rien qui sort pratiquement, ou très très peu. Là, en France, il y en a plein. Virgule, mais, Gazou, je te laisse finir. Oui, mais, parce que c'est effectivement... Alors, c'est très bien que l'on ait effectivement des Adjar, des Megtounif aussi, qui arrivent derrière. On peut avoir effectivement plusieurs salves de pilotes français comme ça qui vont arriver, mais on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de soutien extérieur aux fédérations. Alors, la fédération... Intermarché. Comment ? Intermarché. Oui. Non, mais je veux dire, la fédération, donc la FFSA Academy, via le championnat F4, à la rigueur, fait le taf. Mais derrière, il faudrait quand même soit de vraies filières ou soit de vrais sponsors, parce que finalement, on se retrouve avec des pilotes, s'ils ne sont pas soutenus par des grosses académies, ils n'ont pas beaucoup de soutien financier, quoi. Tout à l'heure, je disais Ocon. Ocon n'a pas de gros budget derrière lui, quoi. Ça, entre guillemets, ça l'empêche de convaincre certaines marques. Alors aujourd'hui, si tu es un Français et que tu fais partie de la Red Bull Junior Academy et que tu écrases à peu près tous les autres pilotes qui sont susceptibles d'arriver en F1, ok, ça marche. Sinon, tu ne peux pas compter sur une manne financière extraordinaire. D'autant plus que nous sommes dans un pays qui n'a plus de Grand Prix de France, n'a bientôt plus de motoristes français, n'aura plus qu'une simple écurie basée à Enstone avec un simple logo Alpine qui justifiera la simple présence de la France à F1, pas plus. Vraiment, c'est un sticker, ça, c'est... La France, je suis juste là pour voilà, acte de présence. Oui, mais quand, en attendant, quand Jack Doohan va gagner des courses dans l'Alpine, on aura la Marseillaise. Dans l'Alpine, ouais. Mercedes ou Alpine Ferrari. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est compliqué. On espère vraiment que Adjar va accéder à la F1 parce que, on l'a dit tout à l'heure, pour Porcher, c'est à 99% mort. Et c'est bien dommage. Adjar, j'espère qu'il va continuer à avoir le soutien de Red Bull et que d'ici un an ou deux, il aura sa chance, parce que sinon, ben, encore une fois de plus, on va devoir se priver d'un talent français. Voilà, le seul sursaut que l'on ait des pilotes français en F1, ça va être par des grosses académies et non pas des filières ou non pas des grands sponsors. Là où tu peux avoir, par exemple, des pilotes mexicains, latino-américains, thaïlandais, chinois, qui, eux, forcément, vont avoir la nécessité de représenter leur pays ou leur continent, et parce que derrière, il y aura soit un milliardaire ou soit un gros sponsor qui font la manne financière. Quoi. Pardon, j'ai bugué parce que je vais l'envoyer à Strigoun pour qu'il le montre. Voilà. Attends, d'abord, moi j'ai envie de montrer un truc. Bah, vas-y. Bah, non, mais j'ai mis en plein écran, c'est bon. Ah. Ouais. Oh là là. Ah oui, non, sérieusement, mais... hein, il est. C'est enfoiré. Il sait se mettre en avant, hein, ce salopard. Oh. Ah oui, non, mais c'est. c'est exagéré. Là, j'ai la même à la maison, hein, là, je vous le dis, c'est. J'ai la même à la maison. Alors attendez, j'envoie un truc à monsieur microphone sur Discord. Hop. Ah, on voit le Ogun. Ah, monsieur Strigoun. Oui, vas-y, envoie-moi et puis je vais. Il y a une question que j'ai trouvée très drôle. Pas pertinente, mais très drôle. Du coup, on va l'aborder très sérieusement. Est-ce que, au vu des contre-performances de Red Bull, Verstappen ne devrait pas signer chez Sauber/Audi? Ouais, moi je suis pour. Hülkenberg Verstappen l'année prochaine chez Kicksauber, je prends. Ce serait fantastique quand même. Un matin, on se lève et on voit le tweet de la Formule 1. Breaking, Verstappen signe 2 ans chez Audi. Non, attends. Ce serait extraordinaire. Tu as le premier montage de la F1. Oui, Verstappen, driving Red Bull in 2025. Et 20 minutes après, Verstappen to race stake F1. Non. Alors, par contre, moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, hein, histoire de faire chier, mais... Vous vous rappelez quand en début de saison, on disait « Allez, c'est finito, Red Bull, nouveau concept et tout, machin. » Et que bon, maintenant, on voit l'état. Quand on disait « Oui, Horner pas, mince, Newey part, mais bon, faut pas oublier qu'il y a une grosse équipe derrière tout ça. » Bon, moi, je trouve quand même que depuis que Horner, Newey bosse plus sur la Red Bull, c'est pas trop ça. Ça fait déjà 4 ans qu'il bosse plus sur la Red Bull. Hein. Oh, arrête, c'est pas vrai. Il reçoit les PDF par mail, il dit ouais, ça va. C'est ça. Ça fait... Parce qu'on a tendance à dire oui, c'est Horner, c'est Horner. Bon, il a un rôle de superviseur, mais les trois dernières bagnoles champion du monde, c'est quand même vaché, quoi. Donc... Alors pourquoi le chat est dans une boîte? Parce que c'est un chat et les chats ont besoin de se mettre dans des boîtes. C'est, Oh le sosie. Le sosie. Vous a trouvé, vous propose un diaporama retrouvé sur Twitter, n'est-ce pas? Ah, c'est à peu près ça, hein, Mick, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est quand j'ai vu l'image, j'ai bugué. J'ai bugué parce que j'ai vraiment cru que c'était Bottas dans le public. Ouais, et bah, puis même lui, tu vois, il a bugué, tu vois. Il s'est dit, mais putain, qu'est-ce que je fous dans le public? Vous avez déjà vu ce gars dans la butte de la ligne droite? Montre la dernière. Extraordinaire. Mais vous l'avez vu cette photo du gamin qui est habillé avec les t-shirts Red Bull sur la butte de la ligne droite de Kemmel en Belgique, et il a le vraiment c'est le sosie de Verstappen, quoi. Verstappen quand il avait 15 ans, quoi. Ah oui, oui, oui, ça me parle. Sinon après vous avez en Espagne le sosie de Hamilton aussi qui était exceptionnel. Et tant qu'à faire, on voit le troll F1 que je t'ai envoyé là et ce que Loïc. Oui, alors, il m'a beaucoup fait rire parce que vous savez que on a trouvé une similarité particulière entre George Russell et Woody de Toy Story, entre Max Verstappen et Sid, c'est ça, de l'âge de glace. Oui. Et on a découvert une nouvelle ressemblance avec Franco Colapinto. Je sais plus c'est qui ça. Je sais pas, mais je trouve que c'est très ressemblant. Mais c'est incroyable. Non, mais ça marche trop bien. S'il y a bien une chose où je pense qu'on peut être tous d'accord, c'est quand même Internet, ça fait des belles choses. Ah, mais bien sûr, merci Internet. Ah, ouais, ouais. Et le quota chat. Oui, alors le quota chat, oui, justement. Il y avait Sargent dans le public aussi. Merci Rémi, je n'avais pas capté. Ouais, non, mais il fallait bien qu'il aille quelque part. Hein. Oh là là, Logan Sargent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de Logan Sargent? Alors, le quota chat, il va être un peu compliqué parce que du coup, la photo est immense. Donc, je ne vais pas montrer tout le cirque. Non, mais voilà. on a tout ce qu'il faut. Ah, chat. Voilà, chat. Ouais. Là, il est en train de bouffer les plastox, le mien, là. Alors attends, dis-lui d'arrêter parce que sinon il va avoir des microplastiques sur ses couilles. Ah bah non, c'est bon, lui, c'est pas, il est tranquille. Voilà. Là, il est en train de détruire. En fait, c'est mes. Comment ça s'appelle? C'est les bras de ma chaise que j'ai jamais mis parce que j'aime pas ça. Parce qu'après, je peux pas m'étendre dessus comme un porc. Bah là, il est en train de les. Faire les dents dessus. Ouais. Bon, ouais, moi, il me casse pas les burnes. Hein. Oui, bah, faut dire ça. Hein. Souris City. Voilà. Bon, Logan Sargent, c'est un peu un Pérez, hein. On se disait, c'est qu'une question de temps, parce que c'était pas bon. Ok, tiers. Ouais, enfin, il y avait... Voilà, c'est un de ces pilotes qui avait du potentiel, tout ça, mais bon... J'ai quand même une question. Est-ce qu'il est plus spécial que Colapinto et Mick Schumacher ou pas? Ça, c'est une vraie question. En vrai, je pense que Schumacher et Colapinto sont meilleurs. Je pense. Que Sargent? Ouais. Bah oui, quand même. Oui, ouais, merci. Colapinto, ça reste à prouver en F1, mais Schumacher, oui, quand même. Oui. Non, en fait, on a vraiment tendance à chier à la gueule de Schumacher ces derniers temps, alors que je trouve que il était bien. Enfin, c'est pas Verstappen, mais il serait toujours en F1, ça me choquerait pas, quoi. Parce que honnêtement, sur ces derniers grands prix qu'il a fait, après l'Autriche 2022, c'était plutôt bon, quoi. Donc, 2022. Donc, honnêtement, ça m'a pas non plus. Je vais pas dire qu'il manque, mais s'il revenait, ça me choquerait pas plus que ça, quoi. Mais non. C'est sûr que Sargent, c'était pas brillant, mais Nicolas Latifi restera le pire, sûrement, des pilotes Williams depuis Maldonado. Et encore Maldonado, c'est dur de dire que c'est un des pires. Hein? Il a une victoire quand même, Maldonado. Ouais. Parce que Maldonado était rapide. C'est ça le problème. Vraiment, hein, pour avoir vu des courses, des fois de 2012, enfin oui, justement, plein de courses de 2012, et d'en avoir fait un peu de 2014, il était bon, le mec. C'est juste, c'était un imbécile. Une bille. Pas capable de se concentrer. En fait, c'est... Quand il renverse Gutiérrez à Bahreïn, parce que, tu sais, Gutiérrez, il sort des stands et il va complètement renverser Gutiérrez, mais mec, enfin... C'est pas possible d'être con comme ça, quoi. Donc, alors que non, Latifi, c'était pas un crasher. Il a commencé à se mettre dans les murs quand il a commencé à vouloir trop attaquer parce qu'il était, mauvais. Oh là là. Donc ouais, j'aimais bien comment il s'appelait, le pilote russe Sergei Sirotkin. Ouais. Beaucoup plus appréciable que Lance Stroll quand ils étaient équipiers. Parce qu'on en avait un des deux qui tirait la gueule et l'autre qui était content d'être là. Je vous laisse deviner lequel était lequel. Oula, combien de temps il me faut pour faire une rétro comme celle de 2022 12. Non, mais 2022... Si je combine 2012, tout... Si je combine tout... Non, 2022, je pense, oui. Ou 2022, qui était donc résumé de saison... Résumé d'une saison complète. Donc là, on va dire, j'essaye de condenser. Admettons que je commence le lundi à 8h. Je finirai à peu près le mardi à 23h. Si je faisais tout d'un coup. C'est pour ça que je l'ai faite en 48 heures, par exemple, celle de 2022. J'ai tout enchaîné consécutivement sans dormir. Je suis un petit peu con. Non, c'est pas vrai, je l'avais écrit au fur et à mesure de la saison. Et 2012, ça m'a pris... c'est pareil. C'est juste que pareil, j'ai fait ça à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais de manière beaucoup trop rapide. Encore des questions sur Poncher. Oula. Bon. Encore ? Maintenant, il n'y a plus le chat, donc on va pouvoir se régler ça à 5. Il est là, le chat. Oh. Putain, vous avez tous des chats, bordel. C'est pas possible. bah oui, Tim. Bah oui. Bon, bah, Tim, c'est... Chocolat. Pardon. Chocolat au... Pain en chocolat. Ou pain ou tchécopla. Ou tchécopala, pardon. Elle est pas mal. Pain au chocolat ou pain au tchécopala. Tchécopala, pain au chocolat. Oui. Ouais, je préfère pain au chocolat. L'autre fois, Strigoun, il m'a sorti chocolatine. Je dis ça, je dirais. Ouais. Je m'adapte à la localité où je suis. Voilà. Oh, s'il te plaît. Bah écoute, je suis à Bordeaux. J'ai pas envie de me prendre un coup de 12, donc je dis chocolatine. Oh, mais t'as raison. Ils sont dangereux là-bas. Surtout depuis qu'ils ont plus d'équipe de foot. J'ai cru comprendre que c'est très sensible. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure du foot, etc. Je sais plus quoi, là, les équipes, relégation, etc. Si jamais vous connaissez des copains qui sont un peu riches, qui ont 40 millions à dépenser, Rachetez-nous. Ouais, racheter les Girondins de Bordeaux parce que c'est un les FMG Night Fever, connard. En même temps, du coup, les FMG Night Fever seraient une antenne des Girondins de Bordeaux. Oh, t'imagines, Strig, on serait les Girondins de Bordeaux et FMG Night Fever. Bye, bistro des gens. Ouais, ce serait parfait. Je vais pouvoir reprendre un petit peu le fil un petit peu totalement décousu de l'émission. Un petit peu. Non, pas du tout, Mick, pas du tout. Voilà, allez, pour la peine. On a eu, du coup, des officialisations pour l'année prochaine. Et je mentionnais le cas Sargent, tout ça, mais du coup, quid de Colapinto. Je sais pas pourquoi je dis Colapinto, juste pour faire chier, je pense, mais bon, bref. C'est vrai que comme on en parlait un petit peu avec Anthony, bon, il y a la chance, il arrive à Monza, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment un pilote, on va dire, qui va faire bouche-trou et qu'on va plus jamais revoir? Ou est-ce que ça vaut quand même la peine de l'observer de près, ce pilote? Pas tous à la fois. Personne. Pas tous à la fois. Strigoun. Bon, Strigoun n'est pas là. Non, mais déjà, ce qui est pas mal, c'est que Williams titularise déjà un de leurs juniors de leur académie. Ouais. Donc ça, déjà, on ne peut pas leur en vouloir. Et dans l'absolu, je crois que la liste est longue ces dernières années, parce que globalement, chaque fois qu'ils ont titularisé quelqu'un, ça sortait de l'académie. Maintenant, Colapinto... Stroll... Non, mais en vrai, si on fait la liste, depuis toujours, pratiquement, même avant Stroll, Maldonado, Bottas, enfin voilà, il y a toujours eu, il venait toujours de... Ouais. Maintenant, Colapinto, lui, n'a pas attendu la F1 pour découvrir d'autres disciplines, parce qu'il roule aussi en endurance, mais alors, effectivement... LMS et ELMS. Ouais, c'est ça, et il va y avoir cette espèce de regret parce qu'il va rouler 9 Grands Prix, il va engranger une certaine expérience, il va surtout engranger une espèce de bonheur que je ne sais pas combien de pilotes aimeraient connaître au moins une fois dans leur vie, c'est-à-dire de faire partie de ce paddock de la F1 qui sont nombreux à vouloir convoiter et fantasmer. Donc, Colapinto, là, il s'offre une parenthèse de 9 Grands Prix dans sa vie jusqu'à la fin de la saison. Là, il va être au summum de sa carrière. Quoi qu'il fasse après, on le sait, la F1, c'est quand même le but ultime. Donc, 9 Grands Prix, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, je me demande s'il n'en aura pas fait plus que De Vries, finalement. Non, De Vries en a peut-être fait 10. Non, il en a fait plus. Il a fait 11, je crois, De Vries. Ouais, donc ça se joue à touche-touche quand même. Mais bon... Logiquement, chez Williams, 2025 et 2026, les places sont prises par Albon, logiquement 2026 aussi, puisqu'il a été prolongé en mai, Albon, et c'était pluriannuel le contrat. Et Sainz répète à qui veut l'entendre que son contrat est bien sur 2 ans, donc jusqu'à fin 2026. Donc Colapinto... Oublions de mentionner que s'il y a une offre d'un top team, éventuellement. Donc il n'y a que... éventuellement cette opportunité-là qui pourrait offrir un baquet éventuellement à Colapinto si Williams décide de lui refaire confiance. Maintenant, la problématique est, admettons pour 2026, s'il ne va pas chez Williams, est-ce que quelqu'un va vouloir un pilote de la Williams Driver Academy? C'est ça le souci, en fait. C'est-à-dire que là, il a 9 Grands Prix pour prouver qu'il est prêt pour la F1, et admettons qu'il arrive à prouver qu'il soit prêt pour la F1, quel lendemain? Ça, c'est le gros problème. Parce qu'on ne va pas se mentir. On va pas se mentir aussi. Si vous ne roulez pas en F1 pendant au moins 2 saisons, on vous oublie. Exactement. On ne connaît pas. C'est dommage qu'Anthony soit plus là parce que ça aurait pu être un bon sujet à aborder avec lui. Mais l'utilité de certaines filières jeunes pilotes, typiquement l'Académie Williams. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas des bons pilotes dedans qu'elle ne sert pas. Non, mais c'est pour le... Alors pour le coup, très premier degré, c'est même pas une question d'avoir des bons pilotes ou pas, c'est que tu fais monter tes pilotes jusqu'en F2 et après t'en fais quoi? T'as pas la place de les faire monter en F1 et t'as pas non plus une équipe pertinente pour les faire monter en Formule 1, d'autant plus que dans le cas de Williams ou de... ils n'ont pas d'académie, mais Sauber par exemple... tu vas plus avoir facilité à placer un pilote Mercedes ou Ferrari dans ta voiture en jeune pilote plutôt qu'un pilote de ton académie. Enfin, pour le coup, ces académies-là, je vois pas l'intérêt qu'elles ont à part. Je vois pas l'intérêt de ces académies-là, quoi. Alors, moi, je suis d'accord pour Sauber. Pourtant, l'académie Williams en plus en F3, F2, elle est OK dans le sens où elle est relativement bien structurée. T'as des voitures en F3, des voitures en F2. Je crois même, peut-être que là je dis des bêtises, mais je crois même qu'elle a déjà des regards en Freca ou qu'elle a déjà une petite implantation en Freca. Mais au-delà de ça, elle sert à rien, quoi. tu prends tes pilotes, tu les emmènes. Tu vois, l'Académie Mercedes a été décriée pendant quelques années parce que tu avais quasiment que Mercedes en débouché. Le fait est qu'aujourd'hui, les deux pilotes Mercedes, enfin en 2025, les deux pilotes Mercedes sont deux pilotes de l'Académie, quoi. Alpine, bon, ils ont un pilote de l'Académie, l'autre qui est aussi en Formule 1, même si voilà. Il y a deux pilotes de leur académie qui sont en F1 actuellement sans être jamais passés dans leur équipe. Oui, aussi. Ferrari, eux, bah, ils ont toujours plus ou moins réussi à placer du monde. Red Bull a la chance d'avoir deux équipes, donc peut placer ses pilotes. Mais au-delà de ça, des académies, c'est pareil, l'académie Aston, c'est une académie fictive, je suis désolé, elle sert à rien aussi, quoi. Alessandro Giusti est en Freca pour Williams. Donc, ouais, il y a bien un pilote. Là, pour en faire le tour, l'Académie Sauber, jamais servi à rien. Même si par le passé, Sauber avait justement une histoire de promouvoir des jeunes pilotes. Hein, Kobayashi, Raikkonen, Massa, Frentzen a commencé là-bas. Même avant d'arriver en Formule 1, Schumacher a commencé avec Sauber. Maintenant, en F1, ils servent vraiment à rien. As, ils ont une académie, mais pour faire semblant d'en avoir une, hein, avec Pietro Fittipaldi et Chloe Chambers. On rappelle qu'ils sont plus ou moins obligés d'avoir une pilote de F1 Académie dans leur académie. C'est même pas une académie, c'est des pilotes de réserve chez As. Non, mais enfin, c'est Pour le coup, le cadre ça s'appelle le AS, Academy, c'est un peu particulier parce que les pilotes. AS Driver Development Programme, il y a deux pilotes, Pietro Fittipaldi, Chloé Chambers. Oui. Ouais, c'est une structure qui existe. Mais si tu veux, demain, Gazou, on lance notre rédaction, on est tous les deux dans mon salon, ça compte comme une structure en fait. Donc là, c'est pareil chez AS. Hein. pour faire le tour, bon, Alpine, ils ont 30 milliards de pilotes. Aston Martin, comme l'a dit Anthony Drevet tout à l'heure, ils ont créé leur structure de jeunes pilotes quand il y avait Drugovic qui allait gagner le titre et qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un dans leur pied et il fallait qu'il ait une place. Donc voilà. Actuellement, il y a Jack Crawford qui est en F2. Voilà. Et Tina Hausmann en F1 Academy. McLaren, on n'en parle même pas parce que... Eux, en fait, c'est même pas une académie comme les autres. C'est juste un groupe, c'est un regroupement de pilotes. Tu sais pas... Non, mais tu sais pas ce que c'est. Dans leur académie, il y a Pato Ward, qui est en IndyCar. Il y a Ryo Hirakawa, qui est donc en endurance. Et qui est leur pilote de réserve aussi. Enfin, et il y a des jeunes aussi, mais tu vois, tu te dis, il y a des pilotes qui sont... Bon, pourquoi pas. Et après, oui, moi, je voulais juste aborder Williams. Je ne suis pas totalement d'accord, parce que, en vrai, même si ça a toujours... ça n'a jamais été fabuleux, il y a toujours eu des pilotes qui étaient en lien avec eux, qui ont été promus en F1. Là, tu prends Colapinto, avant Sargeant... Avant, du coup, c'était Latifi. On a même eu Jack Aitken. Juste une course, mais voilà. Avant, Lance Stroll, Logan, Sergei Sirotkin, même Robert Kubica, qui était leur troisième pilote. Avant ça, du coup, 2015, Bottas, qui était, même si c'était un peu grâce à Toto Wolff, tout ça, bon, il était quand même pilote d'essai. Maldonado, tu prends... Kazuki Nakajima, Nico Rosberg, c'était en lien avec BMW, puis Toyota, mais pareil, c'était des pilotes qui étaient dans ce qu'on pourrait considérer comme une académie à l'époque. Donc, ils ont toujours plus ou moins fait le taf là-dessus. Et même, tu remontes, Montoya, Villeneuve, Damon Hill, ils ont toujours donné leur chance aux jeunes pilotes chez Williams. Ça, c'est un des rares trucs... Ouais, mais je suis d'accord que... Enfin, moi, je dirais plus que Williams, quand je regarde leur académie, ça me vend pas du rêve. Si, il y a Jamie Chadwick qui est toujours dans leur académie, en Indy Next. Quand même. Ça fait rien. Quand même. Bref. Je ne sais même plus le sujet initial, mais oui, la pertinence des académies. Pardon. Bon. Il y a la suite à suivre. Parce que je pense aussi, par exemple, à Fred Vesti, qui est toujours dans l'Académie Mercedes officiellement. Il fait quoi, Fred Vesti, vous savez ? Je crois qu'il roule un ELMS. Oui, c'est vrai. Oui, je m'en rappelle. Oui, il y a Pandinette qui l'a croisé l'autre fois, c'est pas. Quoique, je ne sais pas s'il avait... Vesti avait dit « Je ne ferai pas une saison F2 de plus oui, ». Alors que ça ne me semblait pas déconnant qu'il essaie d'aller chercher un titre, mais bon. Ah, tu vois, c'est l'effet pour cher. Imagine s'il n'était pas en train de le gagner. Après, et 2023, il finit deuxième. C'est bien de s'arrêter là-dessus aussi, quoi. Oui. Ouais, n'importe quoi d'autre que premier, en fait, aurait été un échec. Donc, Après, oui. Et puis surtout, c'est 4 à 5 millions la saison. Donc, bon, peut-être que ça ne payait pas la saison non plus derrière aussi, quoi. Donc. Non, non. Et puis, il y a un moment, je pense, Fred Vesti, il y a un moment où la lucidité doit quand même te frapper violemment quand tu es le premier pilote en tête de liste de l'Académie en termes d'âge et d'expérience et qu'on signe Andrea Kimi Antonelli à ta place. Il y a un moment où tu te dis, ouais, bon, je vais peut-être commencer à aller voir ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il y avait Strig et Loïc, vous aviez tous les deux les yeux rivés comme ça. Bah, c'est qu'on est des penseurs, on réfléchit. Alors oui, et alors, moi, toi, je veux bien, Strig. On en parlera quand j'aurai fait mon ECG. EEG. Peut-être tu peux utiliser les lettres que tu veux, je sais pas ce que c'est. Donc, je pourrais te confirmer que j'ai un cerveau au moins. Ah. Peut-être, je sais toujours pas ce que c'est, donc... Il invente des lettres. On en reparlera quand j'aurai fait mon VIGB. T'auras l'air bien malin. Ouais. C'est pas un t'inquiète, de... Et de toute façon, avec Tim, on doit faire un IVG ensemble. Oula. Quoi, ça veut dire quelque chose, ça? Je sais pas, oui, j'ai des rendez-vous la semaine prochaine, je vais pas pouvoir, je suis désolé, là, je... C'est pas ce que, je sais pas ce que vous avez fait, mais à mon avis, ce qui en sortira, ça ira jamais à la maternelle. ça ira pas très loin, hein. Ah bon sang. On n'a pas abordé, même si c'était il y a quelque temps, Carlos Sainz, du coup, qui a été officialisé chez Williams. On va dire que dans un monde où il n'y avait rien de mieux pour les deux, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, Gazou. Et j'ai une exclue, surtout, concernant Sainz. Oula. Parce qu'on a réussi à avoir des éléments... Attends. Je suis désolé, Gazou, mais là, il faut que je t'interrompe. Parce qu'il y a trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Alors là... Effectivement. Je pense que tu vas me taper de toute façon, donc je ne sais pas si c'était utile de mettre générique. Non, on a eu des insides concernant le contrat de Sainz. On sait que c'est effectivement 2 ans, mais avec une deuxième année libératoire si un top team l'appelle. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'ores et déjà des ordonnances de Prozac. Parce qu'il va passer de Ferrari, où il a accumulé quelques victoires ces dernières années, à Williams, où clairement, il va servir de voiture balai. Voilà. Donc, en termes de downfall de carrière, on se pose là, quand même. Il aurait fallu que le jingle me coupe, en fait. Merci, Gazou, pour ces mots. C'est important. Sans transition, du coup, Tim, Sainz, Williams, le meilleur du moins pire. Oui, il a mis tellement de temps, en fait, à choisir... après, peut-être qu'en interne, c'était déjà décidé, mais... les rumeurs et les infos qui en sortaient dans les différents médias, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Mais du coup, il a mis tellement de temps à choisir où aller, à décider, OK, bah, j'ai plusieurs offres sur la table, laquelle je prends pas, Partir ouais, mais chez Kika ou Audi, non, ça m'intéresse pas trop. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il attendait aussi un éventuel baquet Red Bull, j'en sais rien. Alors, d'après toi, lesquelles offres étaient véritables? Lesquelles étaient vraiment? Parce qu'on sait que Mercedes. Mercedes. Je pense que Sauber était vrai. Sauber pour le projet Audi était vrai. Ouais. Je pense que Haas aurait été intéressé par le récupérer. Après, en fait, pour le coup, Sainz, je trouve que c'est un pilote qui peut coller un peu partout. Donc, oui. il y aurait eu des rumeurs Alpine, Red Bull, j'en sais rien, ça aurait pu coller. Donc, je pense qu'il n'avait pas grand-chose sous la main, moi, surtout. Que c'est un alors, moi, je pense qu'il a eu des opportunités, mais il avait quelque chose en tête. Et il ne voulait pas lâcher le morceau. Et au final, ça ne s'est pas goupillé comme il fallait. Et il s'est retrouvé un peu comme un coup en dernier moment à devoir prendre... la première option venue ce qui est resté, et il se retrouve chez Williams. Alors pour le coup, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors sur le court terme, si, parce que Williams, bah, c'est une Williams, quoi. Mais avec Albon et avec le travail qui est commencé en interne chez Williams, si c'est sérieusement fait et que ça tient la route, d'ici quelques années, ça peut être une équipe. Alors peut-être pas qui rejoue le haut de tableau. Mais qui joue des points, quoi. Moi, ce que je serais curieux de savoir, surtout, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les décisions de contrat. Parce que vous vous souvenez qu'on nous avait dit, oui, c'est sûr, Sainz va signer, ça va être annoncé. C'était pour quel Grand Prix déjà que ça avait été annoncé, quasi sûr? C'était pas l'Espagne. Toute l'année, ça a été annoncé. Non, mais il y avait un Grand Prix sûr que Canal+ l'a balancé. Je ne sais pas si c'était pas Espagne ou Silverstone. Non, c'était avant. Peut-être Espagne. On nous avait dit oui, sûr, ça va être annoncé. Et puis finalement, au dernier moment, il a fait marche arrière. C'est simple. Il y a un Grand Prix où on a vu Bottas dans le stand Williams. Et Strigoni voit tout. Et c'est le moment où on a dit non, mais Sainz et Williams, c'est fini. Donc voilà. Et du coup, c'était avant ça, avant le Canada. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que Williams a promis de mieux dans la deuxième formulation du contrat, puisque Sainz se rétracte du premier. Je pense qu'il y avait un astérix. Il y avait un astérix qui disait c'est ça ou kick. Oh ouais. C'est vrai que le timing ne jouait plus en sa faveur. Non, mais c'est intéressant de savoir, parce que finalement, entre guillemets, depuis que Dorilton Capital a racheté Williams, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le communiqué disait on a un plan sur 10 ans. Alors déjà, 10 ans, c'est énorme pour une écurie, et en même temps, ce n'est pas non plus déconnant, parce qu'une écurie top team ne peut pas se construire en moins de 5 ans. Et encore, tout dépend, entre guillemets, les budgets, les personnes en place, la structure et de là où tu pars, entre guillemets. Mais pour Williams, ils partent de tellement loin, l'usine, c'est... Enfin, c'est... La dernière fois, je ne sais plus qui en parlait, mais... je crois que quelqu'un se demandait, mais quelle est la hype de Aston Martin aujourd'hui? Mais attendez... Regardez ce qu'a fait Aston Martin, c'est un campus. Mercedes a tout refait. Mercedes est en train de reconstruire un campus. Aston Martin en a un, Red Bull est en train de tout rénover. Et à côté, vous avez des équipes, pardon, mais comme Alpine, un espèce de dragon à deux têtes, qui essaie d'en couper une, mais qui ne rénove pas l'autre. Comment voulez-vous que ces équipes, dans un moyen terme, comprenez par là, 3, 4, 5 ans, comment voulez-vous que des équipes comme ça puissent se reconstruire quand elles sont au fond du tableau? Date de quand la fin des travaux chez McLaren? Pas l'an dernier? Fin 2023? Ouais. 2022, pardon. Et encore, McLaren, entre guillemets, c'est un espèce de... Rappelons que McLaren est désormais locataire de Woking, en fait. Donc, c'est encore un autre dédire chez McLaren. Mais Mercedes, c'est un campus. Aston Martin, c'est un campus. Red Bull, c'est un campus. Qui a envie d'aller bosser chez Enstone? Rappelez-vous que... Rappelez-vous que Aston Martin, s'ils ont construit une nouvelle usine, et c'est tout simplement parce que les ateliers de Jordan étaient calibrés pour 200 personnes. Ça ne pouvait pas faire le projet Aston Martin. Donc, ils ont construit des nouvelles usines, des nouvelles installations. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en ce moment, Aston Martin, ils engrangent. Donc, les résultats ne sont pas là, mais le projet est en train d'être construit. Et s'ils recrutent à tout va, c'est parce que les gens ont envie de travailler avec des outils qui vont leur permettre de s'exprimer, quoi. Quand tu t'appelles Williams, ça fait pas rêver, quoi. Qui veut aller travailler chez Williams? Bah, ceux qui ont rien de mieux. Ben, c'est ça. Mais après, la réalité, c'est que quand tu regardes... Enfin, Williams, c'est effectivement une équipe long terme. Parce que là, quand on regarde où ils étaient il y a 5 ans, c'est inconcevable. Enfin, c'est des programmes malades. Là, ils ont mis 4 points cette année, en 2019. Oui. Hein, ils en mettaient pas. C'était 19-20 toutes les semaines, quoi. Rappelez-vous la fête qu'ils ont fait quand Russell a fait une Q2 en 2020, quoi. Enfin, c'était... 2019, c'est aux essais de c'est pas aux essais de Barcelone où tu as Padillo qui part en catchimini parce que la voiture n'est pas prête. C'est 2019, ils arrivent aux essais et la voiture elle n'est pas prête, il manque toutes les pièces. Mais c'est quand il est parti en vacances et qu'il n'est jamais revenu de vacances. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a un truc. Il a dû lui arriver une connerie, quelqu'un a essayé de le biper, non? Ensuite, en fait, tu constates la progression, Williams. Tu vois d'où ils partent. Un peu, j'ai envie de dire, comme McLaren. On voit depuis 2019 que McLaren revient. Parce que, pareil, hein, ils étaient au fond du trou. Oui, mais donc, ils n'ont pas le même outil. Ils ont quand même des meilleures armes, McLaren. Bah, après, c'est sûr que Williams et McLaren, ça n'a jamais... Enfin, puis les années 2000, c'est plus comparable du tout. Enfin, oui, non, mais c'est pas. Enfin, McLaren. McLaren a toujours eu une gestion très délicate en interne. Si on part à partir des, depuis les années, prenons depuis la fin du règne de Ron Dennis, McLaren, ils accouchaient d'un bon châssis, un bon châssis tous les 3 ans, quoi. Rappelez-vous, c'était quand pas la dernière saison de Honda, mais l'avant-dernière, c'était quoi 2017. 17 ou 2016 17. Ils avaient l'un des meilleurs châssis, quoi. Pas le meilleur, mais c'était un très bon châssis. Oui, à Monaco, en Hongrie, tout ça. La voiture pivotait de malade, elle avait des appuis de malade. Le moteur n'était pas là. C'est juste ça le problème. Mais ils arrivaient à faire des bonnes voitures, McLaren. Ouais, mais... Et après, et puis il y avait aussi le souci de développement. Hein. 2018, on se rappelle, ça commence avec Alonso qui balance Now We Can Fight. Et ça a vieilli. Ça a vieilli. Je crois que c'est 2016 l'année parce que. Non, c'est 2018 avec Renault, McLaren Renault. Oui, donc le meilleur châssis, c'était 2016. Ouais. Ouais, c'est 2016 parce qu'en 2017, c'était quand même catastrophique avec Van Dorn. Et Wikipédia ne veut pas charger, bon sang. Mais je me rappelle qu'à Hongrie, des trucs comme ça, ils faisaient des résultats. Genre 7 ou 8 en Hongrie. Je crois qu'il y a Button qui fait un meilleur tour en course à Budapest, enfin une connerie comme ça. Je vais les retrouver. Alonso, voilà, il fait 5e à Monaco. Ouais. Et Button fait 9e. Donc, ouais, il y a eu des très, très gros résultats. Hongrie, Spa, ils font 8e. Voilà, donc, ouais. Il y a eu des. Mais après, oui, effectivement, c'était GP2 Engine. Mais après, moi, j'allais surtout parler du fait que McLaren a un peu ce privilège d'être un constructeur à part entière face à Williams, dans le sens où Williams n'existe pas en dehors de la F1, ils sont rien. Il y a une structure, il y a des revenus, une gestion du budget, un personnel qui est différent, quoi. L'écosystème McLaren est beaucoup plus solide que celui de Williams. Oui, mais de toute façon, ça revient à ce que je disais. Regarde leurs infrastructures et regarde un petit peu le championnat, les cinq premières monoplaces, donc Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, là, il y a l'outil pour développer la voiture. Effectivement, bon, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin, donc forcément, on peut avoir une rotation de hiérarchie, il n'y a pas de souci, mais ce top 5-là, c'est logique qu'ils occupent ces places-là. Derrière, tu as Vécarb. Alors, ça, c'est un petit peu le sujet épineux, c'est un petit peu le problème de Red Bull, parce que dans l'absolu, ils se sont interrogés de savoir si finalement on rapatriait tout le travail au Royaume-Uni plutôt qu'en Italie, parce qu'on sait très bien que voilà, la Formule 1 ne fonctionne que quand elle est britannique. Donc, ça, c'est encore un autre souci, un autre problème. Mais voilà, Red Bull, Vécarb fait partie du deuxième parti de tableau. Haas, bon, ben, Haas, c'est Haas, c'est toujours pareil, il n'y a pas des gros, gros, gros outils. Alpine, on l'a dit, c'est Enstone, Williams et Sauber. Donc, la hiérarchie qu'on a aujourd'hui, c'est aussi une hiérarchie des usines, en fait, tout simplement. Je vais essayer d'aborder les quelques questions que de la FOC qu'on n'a pas fini d'aborder. J'espère n'avoir rien manqué avec Monsieur D. J'ai vu passer une question par rapport au fait que Strig, Gazou et moi, on portait des couvre-chefs. Est-ce que c'est dû à un front assez... La raison, elle est là. Voilà. Gazou, il a du cheveu, hein. Oui, oui, non, moi, non, Gazou, c'est... Attends, on va te mettre en plein écran, Gazou. Montre ce que tu as marqué sur ta casquette, je crois que je l'ai vu. Attendez, ça charge. Viri on track. Viri on voilà. Track. Eh bien, on va aborder, tiens, bah, juste la question que tu viens de m'envoyer, Strig. Tu peux me la lire, s'il te plaît, parce que je ne l'ai plus. On ne t'entend pas, Strig. Pardon, j'ai oublié de rallumer le micro. Est-ce que le groupe Renault veut-elle réellement investir dans la F1? Alors, c'est un sujet que je balance parce que je crois que, au moins, Gazou, c'est un sujet que tu as mieux que moi. Disons que. Dis long, alors... mais de manière très longue. Oui. Non, aujourd'hui, c'est pas encore officiel, mais on sait qu'ils veulent débrancher Viry Châtillon pour. Et éventuellement s'adjoindre les services de Mercedes, ce qui allégerait entre guillemets la facture, parce que on parle d'une fournisseur moteur de 17 millions contre à peu près un budget de développement de 100 à 120 millions pour le bloc moteur. Ceci dit, pardon, j'en perds mes mots, le moteur F1, d'après les employés de Viry Châtillon, est déjà à un stade bien avancé et prometteur au vu des premiers essais. Donc, ce serait, entre guillemets, dommage d'abandonner un programme. Et qui dit abandonner un programme veut dire aussi gaspiller de l'argent, pardon, il faut le dire. C'est-à-dire que si demain, alors on avait dit au 30 septembre, mais apparemment, d'après la réponse de Renault, rien n'est acté officiellement et en interne, apparemment, ils sont encore en train de réfléchir. On n'y croit pas, ça vous faites comme vous voulez, mais admettons qu'ils décident de débrancher purement et simplement Viry Châtillon et qu'ils décident de faire un chèque de 17 millions à Mercedes pour avoir le moteur en 2026, ça veut dire que tout l'argent qu'ils ont investi dans le nouveau V6 pour 2026 partira à la poubelle, tout simplement. Donc, c'est de l'argent de perdu. Et l'argent de perdu, rappelez-vous… Enfin, ils le vendront pour la F2 ? Même pas, même pas. Rappelez-vous que de l'argent perdu, il y a déjà le cas Piastri. Donc, en Formule 1, ce n'est pas compliqué. L'argent que vous perdez, jamais vous ne le revoyez. Vous ne pouvez pas faire une plus-value sur quelque chose pour combler un trou. Un trou est un trou. C'est, tout simplement, c'est comme ça. Donc, finis pas cette phrase, Strig. Oui, non, mais pardon. Non, vous avez de l'argent. C'est un magnifique titre, ça. Oui, voilà. J'aimerais qu'on extrait cette partie du live, juste cette partie-là, et qu'on... J'avais envie de dire titre, mais Mick m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est quand même pour dire qu'on a des décisions qui sont prises et de l'argent qui est gaspillé. Donc, il faut le dire. Et encore une fois, ce que dénoncent les employés de Viry, et notamment en tribune, puisqu'ils sont quand même en grève, rappelons-le. Ils sont en grève, mais une grève pacifique qui n'entrave pas les activités en piste, c'est qu'effectivement, on va dénoncer bon, déjà toute la partie historique de Viry-Châtillon, tous les emplois qui en découlent naturellement, toute l'excellence qui est mise en avant, parce que oui, pardon, ça semble bête, mais produire un moteur de F1, pardon, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, si on peut juste un tout petit peu briller en ayant, voilà, cocorico, un moteur français dans une bagnole, qui plus est, n'a pas à gagner il n'y a pas si longtemps que ça, qui pourrait, pourquoi pas, enfin, aurait pu, on ne sait même pas quel temps employer, mais peut-être aurait pu briller dans les 4 à 5 saisons à venir, pourquoi pas. Donc, c'est tout à fait logique, cette colère. Et encore une fois de plus, si on corrèle tout ça aux déclarations des différents patrons, et par exemple Luca Di Meo qui disait « Ah oui, mais Alpine, ça va être un petit peu le Ferrari à la française. » la gueule du Ferrari à la française, pardon. Mais enfin, tout ça est d'un ridicule quand vous… Enfin, je crois qu'on a eu affaire vraiment à des gens qui ont voulu se mettre en lumière, des gens qui voulaient vivre un peu pour la caméra, comme Laurent Rossi, on a eu des Bruno Famin qui venaient juste compléter les trimestres pour leur retraite. On a eu plein de gens comme ça qui, voilà, venaient prendre des petits bouts de chandelle et au bout du compte, ça ne fait pas avancer le projet. Au contraire, ça l'entrave plus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment dommage qu'on ait une superbe industrie comme l'automobile et les sports automobiles. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent quand même se dire qu'ils ont un formidable outil industriel, et nous, on est en train de prendre notre petit marteau et de casser tous les petits trucs qui dépassent. Voilà, ça nous amuse de casser notre jouet industriel. Mais non, je suis désolé, c'est vraiment ridicule comme posture. Alors, quand vous ajoutez les déclarations, quand vous ajoutez les pertes d'argent, parce qu'on est en train de nous dire, ah oui, avec Mercedes, on payera moins la facture à l'année. Ouais, mais au bout de combien ça va être rentable l'histoire? Parce que je suis désolé, c'est bien beau de signer un chèque de 17 millions en 2026, mais vous allez en gaspiller combien en abandonnant le projet? Donc, voilà. Et puis, c'est toujours pareil. L'an dernier, on a fait rentrer quand même 10 personnalités, 10 VIP au capital de Alpine. Ils ont racheté, par contre, 24% de l'écurie pour... C'est combien, 200 millions, je crois? Oh là, alors là... Donc, c'est pas... on aurait pu se dire, ah ben tiens, si vous ne vous en sortez pas, vendez encore 20% de l'équipe. Et cette fois-ci, c'est pas 200 millions qu'il faut vendre, c'est 300 ou 350, parce que la Formule 1 a encore pris de la valeur. Je veux dire, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les équipes minimum sont valorisées à peu près à 1 milliard d'euros. Alpine, justement, dans son communiqué de presse, quand ils avaient annoncé... les 10 stars là, d'Hollywood et autres personnalités sportives qui avaient investi les 200 millions, ils avaient dit dans le communiqué de presse que désormais, l'écurie Alpine était valorisée à hauteur de 800 millions. Logiquement, on pensait que ça soit un petit peu plus. Il y a eu un rapport d'ailleurs qui parlait des équipes comme Ferrari ou Mercedes qui étaient évaluées aux alentours des 3-4 milliards. C'est juste dingue parce que ces sommes-là ne sont possibles que si en face tu as un acheteur, je veux dire, voilà. Mais on comprend aussi pourquoi des écuries comme Andretti se voient un refus catégorique de rentrer, parce qu'il faut partager le gâteau en plus d'écuries. Mmh. Ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, voilà. Pour le cas Alpine et surtout le cas Renault, Renault, pour l'instant, n'a pas dit qu'il coupait totalement les ponts avec la F1. Ils vont maintenir l'équipe Alpine, mais cette promesse-là va durer combien de temps? Est-ce que l'écurie Alpine sera encore en F1 dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? On ne sait pas, parce que qu'est-ce qui reste d'Alpine et de Renault? On va débrancher Viry-Châtillon. Il ne restera plus qu'un sticker Alpine sur la bagnole. L'usine, c'est un stone. Il ne restera plus grand-chose. Non, je suis d'accord. Ça me saoule, parce que comme tu dis, Gazou, c'est qu'on perd... C'est quoi à dire, mais c'est vraiment la tendance en France, c'est qu'on perd toute notre industrie et puis on préfère acheter plutôt que de faire nous-mêmes. Et c'est représentatif de beaucoup d'autres industries en France. Et si on commence à... Même les moteurs de F1, pourtant, je trouve que, ouais, comme tu dis, c'est l'excellence, c'est quand même... Bah, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, bon, même si j'avoue qu'ils n'ont pas non plus peut-être pas le meilleur moteur du paddock, ça reste pas une merguez comme on a pu avoir avec avec le moteur Honda qui servait surtout à faire allume-feu pour le barbecue plus qu'autre chose. Enfin, je parle des années 2015-2017. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Et puis, on a quand même eu des belles années avec 2017-2013. Si Red Bull gagne, c'est parce que c'est un moteur Renault aussi dedans, quoi. Ben après, tu vois, moi, c'est justement, là, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais dire, mais certes, Renault, enfin, c'est le deuxième motoriste de l'histoire de la F1 en termes de succès, après Ferrari. Ben voilà. Mais le truc, c'est magnifique. Mais là, si tu regardes comment ça se passe depuis l'ère hybride, il y a eu seulement McLaren qui, par désespoir, a voulu d'un moteur Renault. Oui, c'est vrai. C'est quand même significatif, quand même. Ouais, mais ça, après, c'est toujours pareil. Les moteurs font pas envie. Et s'ils font pas envie, c'est qu'ils apportent pas, ils semblent pas apporter la performance souhaitée et au niveau de la F1, quoi. Tu as, entre guillemets, alors, regarde Red Bull, par exemple. Red Bull a enchaîné 4 titres. Pardon, c'est pas le moteur qui fait les titres. Bah oui, bien, enfin, c'est les 4 titres de Red Bull, c'est le châssis et Vettel. Et l'équipe, et Weber, et voilà. Et le moteur. Le moteur a plus failli t'en faire perdre des titres. C'est ça, combien de fois il a claqué le moteur et ça a mis Horner dans une colère noire. Mais bon, je veux dire, le moteur était bien pour ce qu'il a apporté. Voilà. Et je veux dire, c'est pas le moteur qui a fait le surplus des championnats de. Oui, c'est pas comme à l'époque avec Williams, tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est pas la plus-value des 4 titres. Ils étaient là, c'est bien, ils ont apporté, voilà. Mais bon, la relation aurait pu être meilleure. Mais bon, on connaît tous le contexte. Et effectivement, après, quand McLaren prend le Renault par défaut, on ne connaît pas non plus les relations qu'ils ont eues. Mais ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est le constructeur à apporter les relations. Hein, regarde aujourd'hui Mercedes. Mercedes, ils équipent McLaren, Williams, Aston Martin, je ne sais plus combien d'équipes voulaient des blocs Mercedes, mais outre, parce qu'aujourd'hui, tu me dis, oui, Mercedes, c'est peut-être le plus puissant. Ouais, en bloc moteur, ça doit se jouer avec le Ferrari, peut-être, mais je veux dire, c'est pas parce que tu as, aujourd'hui, la McLaren fonctionne, et encore une fois, c'est pas que le Mercedes qui fait ça, c'est surtout travail de McLaren, c'est le châssis, c'est les pilotes, c'est le travail qui est mis en place, etc. C'est pas vraiment le coup de boost du bloc Mercedes. Et c'était Mercedes, là oui, ça a apporté un plus, c'était Mercedes en 2014, au début de l'ère hybride, quand le Williams l'avait, et quand Williams était devant. Là oui, là Williams a profité de la puissance de Mercedes. Bah, c'est clair. C'était pas Habib Bull qui avait dit en 20 ou en 21 que le Renault faisait plus de 1000 chevaux. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait un. Je crois que c'était Verstappen. Ouais, c'était en 2018 ou 19, je crois. Ouais. Et que il a lancé ça comme ça, on va dire un score de banc. Et je crois que c'est. Je sais plus c'est quelle écurie qui l'a scalpé en lui disant bah, disons que si vous êtes obligé d'avoir un moteur aussi puissant pour pouvoir tourner. C'est vraiment vous avez un châssis de merde, je sais plus quoi. En gros, si ouais. Tu voulais vraiment compenser autre chose, quoi, pour que vous ayez autant de puissance. Ah ça. Honnêtement, c'est du. Moi, c'est du blabla marketing. Ouais. Mais de toute façon, en plus, c'était au cœur des disputes Red Bull Renault. Donc. Oui, voilà. Enfin, je reste convaincu personnellement, ça, c'est mon avis, hein, ça tient qu'à moi, mais c'est pas parce qu'ils vont arrêter Châtillon virer Châtillon que ça va changer quelque chose. En fait. Alors, parle un peu plus fort, Strig, parce que là, ça te coupe dans le micro. Ah ouais ? Alors, attends. Ouais. Je vais monter un peu même le son du micro. Je disais, c'est pas parce qu'ils vont fermer virer Châtillon que d'un coup, ils vont gagner, en fait. Si le châssis est dégueulasse, restera dégueulasse. Hein. C'est juste couper les coups. C'est surtout comme ça qu'ils le voient. C'est pas une question de performance. Ouais. Je suis convaincu qu'ils en ont rien à faire de la performance. J'en suis persuadé. Après, Briatore a promis un podium en 2027. Ouais. D'ici 2027. Parce que ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ils te lancent ça comme si c'était de la gestion de projet. Tu sais, dans 5 ans, on aura fini le projet. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, on sera champion du monde, tu sais. Ça n'a rien à voir. Le mec qui fait de la gestion comme ça, comme si c'était de la gestion de projet d'une entreprise, je dirais, standard, enfin, on va dire civile, c'est ridicule. Enfin, il faut arrêter de penser comme ça. C'est comme il disait, que c'était... C'est comment il s'appelle. Tu parles de Briator. Maître Briator est pensé dans la même phrase, il y a un souci. Non, mais même avant Briator, rappelle-toi, il y avait aussi, je ne sais plus quel. Oui, mais tu mets Renault est pensé dans la même phrase, il y a un souci. Mais voilà. Je ne sais plus c'est qui, j'avais regardé le reportage. Rossi Non, je parle de Vasseur. Je parle du reportage qu'ils avaient fait avant les essais hivernaux, là, de chez Canal, je crois que c'était. C'était intéressant, et tu avais Vasseur qui disait, mais de toute façon. On saura si on a bien bossé que quand on verra les résultats par rapport aux autres. On aura beau avoir très bien bossé, si les autres ils ont mieux bossé, on est niqué. On n'aura pas bossé correctement ou pas suffisamment. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas une gestion de projet en disant dans 5 ans c'est la bonne. Non. Donc, ouais. En tout cas, je trouve Pourquoi ça triste. Pourquoi a-t-on usurpé le titre initialement prévu du FNF? C'était quoi? Ah, tête à queue, là, c'était ça? Ok. Ah, j'ai totalement zappé. Moi aussi, j'avoue que moi aussi. J'ai totalement zappé, ça, pour être honnête. C'est pas quelque chose qui m'a plus... Mais après, c'est honnêtement... Je sais même plus. En fait, c'est que c'était il y a tellement longtemps. Il s'est passé tant de choses que c'était compliqué de se rappeler de tout. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. D'accord. Question vidéo sur Van Wall, lol. Allez, il a dû en faire une, le circuit. J'espère, il a intérêt. Moi, je trouverais plus d'intérêt à parler à leur retour au Mans. Mais je ne maîtrise pas assez le sujet. Bon, on va pouvoir lancer la suite. On a bien tout passé. Parfait. Les amis, c'est le moment ASMR. Et tu ne devineras jamais à quoi je pense. Tu voudrais pas qu'on se fasse un petit... Prono. Prono Promo, sponsorisé par Groin, les plus grosses cotes de porc sportives en ligne. Ça vous avait manqué. Grave. Dernier samedi du mois, c'est le moment de parler des grosses cotes de porc bien juteuses. C'est le moment où on oublie qu'un trou est un trou. C'est le moment où on va parler de nos pornos pour demain. À titre personnel, je veux miser sur une course chiante parce que c'est Monza. Et que Monza, c'est chiant depuis quelques années. Parce que ça se double, ça peut plus se doubler. Si seulement ils mettaient plus de zones de DRS sur ce circuit où aucune équipe n'a un aileron arrière. Bref, je vais rester sur un Norpia. Ça, c'est bizarre. Norpia Russe. J'ai cru que tu allais dire Norpia VPN. C'est la... Ah, ça va être la sieste du pronostic, ça. La sieste du pornostic avec très certainement une consigne d'équipe parce que Norris va donner l'aspi à Piastri et voilà, je sais pas, au départ en tout cas. Et en cote de porc, on va reprendre la grille, on va dire, et ça sent la course chiante. Accrochage Ferrari. enfin pas accrochage, mais le truc pas méchant, quoi. La petite touchette, suffisamment pour que ça gueule sur Twitter pendant 2 semaines. J'ai rien de mieux à proposer. C'est ça ou McLaren, mais ça va pas aller avec mon porno et voilà. Et toi, Loïc? Alors, je vais mettre Norris Luck. Norris Luck. Non, je vais mettre Norris Russell Leclerc parce que, en fait, je sens que McLaren va juste chier dans la colle pour une stratégie et ça va retomber encore sur Piastri. Donc. Donc il va y avoir un arrêt qui va pas fonctionner ou tu vois enfin genre le truc voilà. Et en vrai. C'est vrai que chez McLaren il y a encore du boulot hein, sur l'opérationnel à faire. Alors je sais que ça n'arrivera pas. C'est ma côte de porc. Bah, je sais que ça n'arrivera pas, mais je trouverais ça drôle en fait que ça arrive. Je suis désolé pour les fans de Red Bull, mais. Les deux Red Bull s'accrochent et abandonnent. Oh, vas-y. Oh, vas-y, t'abuses, je voulais mettre aussi. Pérez dans Verstappen et Pérez, c'est le motif de licenciement. Une couille de Pérez, je vois pas, genre, il fait exprès, mais genre, c'est du Pérez, quoi. Voilà. Une connerie de Pérez au premier virage, putain. Au départ, ouais. Double DNF, Red Bull. Ou j'ai mieux. Tu fais chier. Pérez. Crève l'arrière de Verstappen. Pérez n'a rien et Verstappen finit devant Pérez. Ouais, mais ça, c'est possible. C'est pour une cote de porc, c'est trop... Ah oui, merde, c'est vrai. Non, mais ouais, le double DNF des Red Bull, allez, pour un peu être un peu joueur. Un instant promo le petit Alonso qui est ici, le petit dernier. Que vous pouvez toujours retrouver à 9,99 ou 9,90, je ne sais plus, chez Talent. Il y a aussi le Vettel, qui est également là, le Seb Vettel, coécrit avec l'ami Thomas Volok. Et il y a ce bon gros bouquin sur tous les champions qui a été écrit avec Daniel Ortelli, les photos de Jean-François Galeron. Je réponds d'avance à une question qu'on m'a posée un milliard de fois par message ou autre. Je ne suis pas en train d'écrire en ce moment. 2024, c'est l'année du repos et c'est en 2025 que je reprendrai. Mais voilà. Quel mytho ! Non, c'est une vérité. C'est comme quand Horner dit on va pas virer Pérez. Mytho ! Non. Là, pour le coup, c'est du Fred Vasseur dans le texte. Je cherchais quelqu'un qui était honnête. Et Gazou, je t'ai oublié. Alors, prono Norlockham. Norlockham. Ouais. Et code de port, effectivement, je voyais bien Pérez faire une dinguerie dans Verstappen, histoire de lui coûter pas mal de points au championnat. Pas que je le souhaite forcément, mais ça aurait été si épique, ouais, pour courir l'ambiance. Ouais, je vais rester là-dessus. Ouais. Pérez qui fait une dinguerie sur Verstappen. Et un instant promo? Un instant promo, écoutez, je peux vous proposer ce petit ouvrage, voilà, intitulé « Max Verstappen, la rage à vaincre ». Alors, c'est une bio qui raconte jusqu'aux 3 titres de Max Verstappen, donc profitez-en, parce que si jamais il y a le 4e avant la fin de l'année, profitez-en pour vous le procurer avant la fin de la saison. Et si jamais Norris devient champion du monde, vous aurez un petit peu plus de temps sous le sapin, ça fera la blague. Voilà. Bah, on te souhaite que Verstappen ne gagne plus jamais de titre. Ça, il sera toujours d'actualité. Voilà. Ah. Thème. Moi, je vais dire Norris, Piastri, Hamilton. Mm-hmm. Et en Côte de Port, je suis jamais là, donc je vais tout miser là-dessus. Et si elle passe, je souhaite qu'on me fasse gagner le championnat des pronos. Colapinto dans les points. C'est, en vrai, ça me semblerait pas si fou. Hein. En vrai, parce moi, je me dis... La Williams, c'est les niveaux top 10. Hein. Ouais, Albon, il était Albon, pas loin de Williams, d'Albon. Une bonne strat, un petit safety car ici et là. Ça se fait, en vrai. Ça se fait grave. Mais est-ce qu'on lui fait gagner le championnat pour autant? Alors, on t'accorde les points de la Côte de Port, mais peut-être pas le championnat. Oh, nul. Par contre, si tu nous mets Jo dans les points, on peut en reparler. Non, non, mais non, faut pas abuser non plus. Ah non, mais voilà, on est d'accord. Et un truc à promouvoir, des services à louer, à vendre Je suis au chômage. Mais j'ai trois cartes de presse. J'ai trois cartes de presse. Je suis disponible les samedis et les dimanches pour animer vos bar mitzvahs, vos mariages et vos enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. Et les enterrements tout court, tu fais aussi ou pas? Non, c'est un peu déprimant, je ne fais pas trop ça. Justement, moi, tu ferais un peu la populace. Non, non. Ouais, mais les gens ne sont pas réceptifs en général. Un bon danouise sur un enterrement. Moi, je viens. Moi aussi, je viens trop aux enterrements. Hein. Par contre, je ne t'invite pas aux ceux de ma famille, mais par contre, aux gens que je ne connais pas, je viens. Oh, ouais. Ouais. Écoutez. Mes DM sur Twitter sont ouverts, je crois. Hein. S'il y a des gens qui enterrent des gens, écoutez. On vous le souhaite. En tout cas, on vous le souhaite. Attends, j'ai dit une connerie là, non? Oui. Non, mais rien, merde. Laisse tomber. T'inquiète. Okay. Transition. Strigone. Norris, Leclerc, Piastri. Moi, je donne. En Côte de Port, bah, je voulais dire double DNF Red Bull, mais... Mais c'est pas original, ça. Ouais, c'est pas original. Bah, tu peux le dire, hein. Ouais. Non, allez, on va jouer un petit peu... on va la jouer vieux, franc jeu. On va faire une Alpine dans les points. Ah, j'ai cru que t'allais dire le ça double stance. DNF. Le double DNF Alpine. Non, non. Non, non, une Alpine dans les points. Ça se tente, parce qu'ils sont 14 et 15. Voilà. Ouais, ça se tente. Et, c'est une Côte de Port, hein, de toute façon. Hein. Oui. Et puis, pour ma part, donc, le live des membres cette semaine, donc sûrement mercredi. J'en ai pas fait en août parce que j'avais pas envie. Parce que c'était les vacances, tout ça. Et là, on va profiter de la petite pause. Non, cacahuète, pas le carton purée. Je vends un chat. Là, la promo de Mick, je vends un chat. Ouais, il tombe par les fenêtres, tout ça. Il fait pas gagner beaucoup de sub. Il est pas très utile. Oui, et sinon, bah, les débriefs, toujours avec le cadre salé pour tous les générateurs by Strigone. D'ailleurs, il bosse sur le pas prochain, trop là. Mal, donc je le vire pas encore, mais voilà. et du Allez. Coup, je garde le code pour moi pour pas qu'il puisse me virer. Mmh. C'est ça la combine. Ah oui. On va en discuter. On va en discuter. Faites-vous des bisous. Soyez gentils, mais pas trop. Bonne nuit à tout le monde. Bonne course ce week-end. Bonne finale de F3 pour ceux qui vont la regarder. Et comme le disait si sagement Gazou. Allez, au revoir.